Bonsoir chez vous. Bienvenue, il est 20h31 et vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel pour la Red Argus Sport. Ravi de vous retrouver en ce lundi 18 mars. Très heureux de vous retrouver. On va passer 2 heures ensemble avec ce débrief de l'actualité sportive du week-end. Avec ce sommaire tout de suite que je vais vous détailler, on va revenir sur le foot avec la journée de Ligue 1 qui nous a intéressé ce week-end avec notamment la victoire de Paris Saint-Germain hier. On parlera de la fête de Marseille, match de Monaco et puis aussi résultat entre Brest et Lille. Ce sera donc tout à l'heure en fin d'émission. On aura aussi le débrief donc des championnats étrangers avec des beaux matchs hier. Et puis aussi on aura le débrief européen avec les derniers matchs de ces huitièmes de finale. Retour de ces Coupes d'Europe. Voilà pour le foot, tout le programme. Et puis on parlera de l'équipe de France aussi, bien sûr, avec la trêve internationale qui arrive ce week-end. Du rugby, on parlera du tournoi destination qui s'est clôturé avec la 2e place pour l'équipe de France et sa victoire face aux Anglais. On y reviendra. C'était donc samedi soir, donc le point tout à l'heure sur le rugby avec la Coupe d'Europe aussi qui fera son retour ce week-end. En tennis, eh bien, on parlera du titre d'Alcaraz. C'est imposé dans le Master 1000 d'Indian Wells hier. Et on parlera aussi de Miami cette semaine qui va démarrer dès jeudi. Ce sera donc tout à l'heure sur la page tennis. Du basket, avec la victoire de l'OLB hier, bienvenue hier, sur Fos-sur-Mer. C'était hier après-midi à la Comet Arena. Compliqué, mais une victoire importante pour l'OLB qui maintient son top 4. On y reviendra également tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de la fin de saison dans les sports d'hiver avec la dernière étape de biathlon à Canmore hier au Canada avec des victoires françaises, des petits globes aussi. Et on y reviendra donc ce sera pour démarrer l'émission dans ce débrief sport d'hiver. Voilà donc le programme de la soirée et un seul direct ce soir que l'on suivra. Ce sera un match à partir de 21h entre Villefranche, Beaujolais et Red Star en National 25e journée. Ce sera à suivre à partir de 21h donc pour le leader qui se déplace chez le 13e de National et le leader qui aura l'occasion de d'asseoir un peu plus sa première place en cas de victoire. Voilà le programme donc de ce soir. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour lancer cette première partie à 21h. On retrouvera Hugo comme d'habitude pour la page football. C'est parti donc pour une première pause et on se retrouve juste après. On écoute tout de suite cette reprise de You Keep Me Hanging Up. C'est Son of Legend, à tout de suite. Yeah. après cette première pause pour le début de ce programme qui va nous emmener tout de suite sur le débrief ski, sport d'hiver. Ça y est, c'est la fin de saison pour toutes ces épreuves, en revenant d'abord sur le biathlon et notamment la fin de saison à Canmore aux États-Unis, au Canada pardon, les États-Unis c'était la semaine précédente, au Canada, dernière ultime étape avec des enjeux pour beaucoup, notamment chez les hommes, avec le gros globe qui était en jeu pour Jonas Bø et des petits globes également. Le Norvégien qui a tout ramassé hein, sur son passage, le sprint, la poursuite et la mass start hier. Voilà, donc encore une fois une grosse performance pour le Norvégien qui a remporté non seulement le petit globe de la poursuite mais aussi de la mass start, alors que celui de du sprint est revenu à son frère Terje Bø, lui qui a terminé troisième du sprint. Notez la quatrième place d'Emilien Jacquelin sur le sprint. On avait ensuite la poursuite avec la troisième place pour Éric Perrault et la quatrième pour Emilien Jacquelin. Encore une fois, une belle performance. Alors que Samuelsson, le Suédois, a pris la deuxième place. Et puis enfin, la Mastart qui avait lieu hier avec une belle troisième place encore pour Emilien Jacquelin, devancé par les Norvégiens Bø et Jonas Dahle. Voilà, encore une fois, de belles performances à noter, la septième place aussi pour Quentin Fillon. Mais chez les femmes, il y avait plus d'enjeux puisque le gros globe n'était pas joué encore. Et c'est finalement Lisa Vitozzi, l'italienne, qui s'en est emparée avec une victoire sur le sprint. Notez aussi la deuxième place pour Yonjo Mono et la quatrième de Julia Simon sur ce sprint. L'italienne qui a enchaîné ensuite avec la poursuite qui a eu lieu samedi. Et puis derrière on retrouve quatre françaises hein, Lou Jean Monod, Justine Brezaz, Julia Simon et Gilone Guigona, de la deuxième à la cinquième place. L'italienne qui a été la meilleure sur cette poursuite avec seulement une erreur. Et puis enfin hier, le gros globe qui s'est joué sur la mass start, alors que les Vitozzi avaient une belle avance, Ingrid Tandrevold, la Norvégienne, qui pouvait encore espérer revenir et s'imposer. Mais finalement, malgré une mauvaise performance de l'italienne sur cette mass start, dominée par Lou Jean Monod, à noter, qui remporte en plus le petit globe de la spécialité au passage, et qui prive Julia Simon d'un globe, hein, qu'elle a perdu également le petit globe de la poursuite. Eh bien, Lou Jean Monod s'impose, troisième place pour Gilles Guigona, et puis une quatrième pour Justine Brezaz. Julia termine septième, et donc pour Lisa Vitozzi, une 21e place, loin, mais une guitare de vol qui devait au moins se finir sur le podium pour reprendre son globe. Et elle termine seulement huitième, donc c'est bien l'italienne qui prend pour la première fois de sa carrière, qui remporte le gros globe de la Coupe du Monde, et qui devient après Dorota Wierer la deuxième italienne à le remporter. Donc bravo à elle, et puis bravo aux françaises Lou Jean Monod notamment, qui a remporté le globe de la mass start encore une fois. Donc grosse performance pour les françaises, et au général, et bien notez tout de même que les françaises sont bien situées encore une fois, avec notamment une deuxième place pour Lou Jean Monod, quatrième pour Justine Brezaz et cinquième pour Julia Simon. Donc de belles performances pour nos françaises. Chez les garçons, c'est plus mesuré, puisque cinq Norvégiens terminent aux cinq premières places et seul Emilien Jacquelin, sixième, arrête l'hémorragie, donc avec sa septième place au général. Donc voilà qui clôture une saison de biathlon. On a hâte de retrouver tous nos Français la saison prochaine, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de jeunes Français, de Françaises qui vont briller à coup sûr. C'était la fin de saison aussi en ski alpin. Ski alpin donc avec, ça y est, une fin de saison, notamment avec la Suissesse Laura Gutt qui a remporté le classement général de la Coupe du Monde. Elle a elle s'est imposée assez largement d'ailleurs devant Frederica Brignone, l'italienne, sur ce dernier week-end. Et puis il restera encore une étape, deux étapes hein, mais le score est fait en tout cas pour elle. Et puis chez les garçons, là aussi il restera une étape, mais on le sait déjà, c'est Marco Dermat, le Suisse, qui largement devant et qui s'impose donc dans cette saison de ski alpin. Donc encore une épreuve ce week-end pour clôturer les saisons donc de ski alpin. On poursuit avec tout à fait autre chose après le ski. On va passer du côté du handball. Le handball donc avec le retour de la Star League ce week-end, puisqu'on a été on était à sur une trêve de l'équipe de France cette semaine, avec notamment deux matchs pour l'équipe de France qui a remporté d'ailleurs ce tournoi amical, donc le trophée des continents, avec deux victoires. D'abord on avait une victoire face à l'Argentine 32-23, et puis une nouvelle victoire face à l'Égypte hier 39-31, avec notamment des absents, Ludovic Fabregas qui était capitaine dans l'absence de Luka Karabatic, qui était un petit peu touché à la cuisse, et également Nicolas Karabatic, Nicolas Tourna ou encore Samir Benkassen qui était blessé. Ça n'a pas empêché les Français de s'imposer largement. Retour de Vincent Girard aussi à noter, qui avait quatre la sélection après un an d'absence, hein, il était victime d'une pubalgie et qui était de retour dans les cages et qui a été encore assez performant et assez précieux dans cette rencontre, et qui on va en tout cas compter sur lui pour les Jeux Olympiques à venir. En tout cas, donc victoire des Français, deux victoires qui remportent ce trophée amical, ce trophée des continents, et qu'on retrouvera maintenant, c'était la dernière répétition avant de le retrouver aux Jeux Olympiques dans les prochaines semaines. Notez aussi concernant les Jeux Olympiques des infos concernant les qualifiés, puisqu'on retrouvera l'Allemagne s'est qualifié sans grande surprise, tout comme la Hongrie, l'Espagne et la Slovénie. C'était hier, hein, les derniers billets qui étaient en jeu pour les Jeux de Paris. Ça y est, c'est fait. Donc pas de grand absent hein, cette année, hein, puisqu'on retrouvera donc après les derniers TQ qui ont lieu hier, l'Allemagne, la Hongrie, l'Espagne, la Slovénie, donc qui seront de voyage pour Paris. Voilà, donc pas de, comme je disais, pas de grands absents. On aura donc la France, évidemment, le Danemark en tant que champion du monde sortant. On aura le Japon, vainqueur du tournoi de qualification en Asie, l'Argentine qui a remporté les championnats panaméens, l'Égypte champion d'Afrique cette année, la Suède qui a terminé troisième de l'Euro, et puis donc les équipes que je vous ai citées, Allemagne, Hongrie, Espagne, Slovénie, plus la Norvège et la Croatie. Donc pas d'absent cette année. On rappelle que le tournoi aura lieu du 27 juillet au 11 août, hein. Donc ce sera d'abord à Versailles et ensuite ce sera au stade Pierre-Mauroy pour la phase finale de ces Jeux Olympiques. Donc les 12 qualifiés sont connus. Tirage au sort de la phase de groupe, il aura lieu le 16 avril. Voilà, noté pour ces Jeux Olympiques. Voilà pour cette semaine. Et donc Et donc c'était la trêve, puisqu'on va retrouver maintenant désormais tout le monde, hein, dans la Star League notamment, avec la journée qui va reprendre. Avant cela, il y aura la Coupe de France cette semaine, les demi-finales de la Coupe de France qui vont avoir lieu. Mercredi aura lieu le choc, hein, entre Montpellier et Paris Saint-Germain. Ce sera donc mercredi à 20h30, et puis le lendemain, toujours à 20h30, sera Toulouse qui recevra Nantes. On peut retrouver en tout cas une grosse affiche quoi qu'il arrive en finale de cette Coupe de France, et puis à partir de samedi, la reprise du championnat, 21e journée, Saran se déplacera à Dunkerque pour tenter d'enchaîner après son succès primordial à Dijon lors de la dernière journée. Voilà, Dunkerque qui est 11e, donc ce serait une bonne idée de s'imposer là-bas pour grappiller encore quelques points importants donc dans ce championnat. Notez que Chartres est 10e et Chartres de son côté recevra Cesson-Rennes. Voilà ce qui attend Saran et Chartres cette semaine dans cette Star League. La Ligue des Champions aussi, on l'avait évoqué, hein. On connaît les huitièmes de finale. Les matchs auront lieu la semaine prochaine, hein, pour les huitièmes de finale, avec notamment Montpellier et le Paris Saint-Germain. Et puis en ce qui concerne la Ligue des Champions féminine, là aussi les huitièmes de finale sont connus. On a déjà les matchs aller qui ont eu lieu. C'était samedi pour Brest qui s'est imposé de 2-2 à Hongrie, Ferencváros 30-28, alors que le match retour aura lieu jeudi aura lieu samedi à nouveau pour le match retour. Brest recevra cette fois à 17h le club hongrois pour se qualifier et retrouver, on l'espère, Metz qui est déjà qualifié pour les quarts de finale en qualité de premier de groupe. Donc ce serait bien de retrouver nos deux clubs français donc en quart de finale de cette Ligue des Champions. Concernant le championnat des féminines, eh bien pas de surprise hein, puisque on retrouve toujours Metz largement en tête donc du championnat, toujours invaincu, 19 victoires en 19 matchs. Metz qui suit bien. Hein. Les Messines hein, qui suivent avec seulement une défaite, 18 victoires. Donc Brest et Metz sont sans surprise les deux premières du groupe. Il y a juste deux petits points d'écart après la victoire de Brest face à Metz dans le match de championnat. Et donc il restera encore des journées. De toute façon, il y a bien sûr les playoffs qui pourront encore départager ces deux-là dans cette compétition. Voilà donc pour cette actualité donc du handball. On aura aussi chez les filles un rassemblement qui va arriver, hein, l'équipe de France là aussi hein, pour préparer aussi hein, bien entendu ces Jeux Olympiques à venir. Donc il va y avoir aussi des préparations à faire chez les filles. Voilà, donc ça va arriver très vite, ces matchs aussi pour l'équipe de France féminine qu'on va retrouver. Donc on l'espère avec des belles rencontres de préparation. C'est ce qui attend donc nos Françaises. Voilà pour le handball. Donc je le disais, un match en fil rouge qu'on suivra tout à l'heure, hein, le direct. On va le suivre bien tout à l'heure avec, je le disais, le match de national entre Villefranche-Beaujolais et Red Star qui est leader hein. Donc c'est intéressant de suivre ce match tout à l'heure hein, pour voir si le Red Star poursuit en tout cas son foot presque en haut hein, qui est vraiment largement en tête. Donc on va suivre cette rencontre donc tout à l'heure pour donc le début de cette rencontre. Ça démarrera dans un peu plus de 10 minutes hein, la partie à 21h. Puis je rappelle également à 21h on va également retrouver eh bien Hugo pour la page foot. Ce sera donc le programme tout à l'heure. Mais avant cela on poursuit avec du basket et la suite de la saison donc du côté de la Pro B. On retrouve bien sûr Orléans Loiret Basket qui s'est imposé. Et c'était important pour rester au contact du podium. Donc victoire importante, c'était hier donc Comet Arena qui était archi pleine, hein, une grosse ambiance. Victoire face à Fos-sur-Mer 79-71 hein, qui s'est un peu fait peur Orléans puisque qui était largement en tête, qui s'est fait un peu rejoindre mais finalement qui a réussi à garder la tête et s'imposer. C'était important pour rester, je le disais, au contact du podium, puisque Orléans désormais est quatrième et voilà, qui est encore vraiment dans le coup dans ce championnat de Pro B. Donc voilà, il y a pour l'instant encore beaucoup de rencontres, donc rien n'est joué, mais cinquième pardon pour l'instant avec un match de retard. Qui est juste derrière Rouen. La Rochelle domine toujours le classement, alors qu'on retrouve ensuite Vichy qui est deuxième. Donc pour l'instant voilà le point du côté de cette Pro B. La suite donc de la saison pour Orléans, puisqu'il y aura encore des matchs de retard. Je le disais, il y a encore un match de retard à jouer, donc tout n'est pas à jour, donc encore beaucoup de rencontres à jouer pour Orléans, et évidemment le podium sera l'objectif. Et on rappelle ensuite qu'il y aura bien entendu les playoffs, donc voilà, il y a encore énormément de matchs à jouer potentiellement pour aller chercher on espère la meilleure place possible pour ces playoffs. La prochaine journée donc pour cette Pro B, ça sera vendredi et avec notamment le déplacement à La Rochelle pour Orléans chez le leader, donc match au sommet pour Orléans donc dans cette affiche donc pour le LB qui va avoir une grosse affiche donc du côté de La Rochelle. Donc voilà, ce sera vendredi à partir de 20h30, donc voilà, match important pour Orléans, et ensuite pour revenir un petit peu plus loin Et pour revenir sur la prochaine journée à domicile, eh bien pour Orléans, il y aura la réception mardi prochain. Donc il y aura deux matchs la semaine prochaine. Il y aura mardi face à Saint-Chamond, donc à domicile, à la Comet Arena. Et ensuite, il y aura un autre match qui aura lieu ensuite, donc en fin de semaine. Donc voilà, ce sera l'enchaînement de deux matchs pour Orléans dans cette prochaine partie de saison. Donc il y a encore beaucoup de matchs, je le disais, à venir. Et le prochain, donc il y aura donc La Rochelle, il y aura Nantes aussi la semaine prochaine, et puis mardi prochain également. Donc voilà les rendez-vous à venir pour Orléans. On va parler ensuite de la NBA, puisque la saison arrive bientôt, en tout cas la saison régulière touche bientôt à sa fin, hein. On va ensuite attaquer bien sûr la phase de play-off. Il reste encore une vingtaine de matchs pour la plupart des, un petit peu moins même pour la plupart des équipes. Donc on a toujours Boston à l'est qui est leader, largement leader d'ailleurs. Milwaukee suit ensuite, et puis Cleveland qui est ensuite troisième. On bat toujours Détroit et Washington. Et à l'ouest, là aussi le changement. Il n'y a pas beaucoup de changements, puisque pour le moment, après eh bien là aussi on à peu près 63-64 matchs, eh bien le classement n'a pas trop bougé du côté de la NBA à l'ouest, avec avec les Celtics en tête, Milwaukee et les Cavs qui sont juste troisième. Et puis donc on a ensuite Oklahoma City, on a Denver, et on a ensuite troisième Minnesota. Donc de ce classement en bas, on a toujours les Spurs qui sont largement derniers, voilà, qui vont pas jouer la saison à fond, évidemment, on l'a bien compris, et qui va attendre la saison prochaine avec les drafts notamment qui vont arriver. Et puis on aura quelques matchs également bien sûr cette nuit, hein, comme d'habitude. On aura au programme 8 matchs, 10 matchs même, avec notamment des matchs dès minuit. On aura Chicago Portland aussi à 1h du matin, et puis vous pouvez suivre les Warriors face à New York à partir de 3h sur Beansport 1. Voilà ce qui attend donc nos joueurs de NBA. Il y avait aussi la Coupe de France, hein, ce week-end, avec des petites surprises, notamment la défaite de Monaco qui a été sortie de la Coupe de France, qui était d'ailleurs tenant du titre. 93-89, c'est Strasbourg qui s'est imposé, alors que dans l'autre match, Dijon s'est qualifié pour la finale en battant Vichy. Donc on retrouvera Strasbourg-Dijon donc en finale de cette Coupe de France. Voilà, après ces matchs, donc ouais, grosse sensation en tout cas, avec la défaite de Monaco qui était tenant du titre. Mais voilà, gros match. Et donc on va donc voir cette affiche de Coupe de France pour cette finale, alors que Monaco enchaîne vraiment beaucoup, hein, avec évidemment l'Euroleague. Donc ça fait beaucoup, en tout cas pour Monaco, l'enchaînement de ces matchs. Donc voilà, ça peut expliquer aussi cette défaite qui était peut-être le match de trop pour Monaco. En tout cas, en Euroleague, tout va bien, hein, pour Monaco, hein, qui continue d'enchaîner. Donc pas de problème pour eux. Voilà, on enchaîne toujours assez bien du côté de Monaco à l'Euroleague, avec ce week-end la 29e journée qui avait lieu cette semaine, avec la victoire à Berlin. Donc tout va bien pour Monaco, qui reste troisième, hein, toujours juste derrière le Barça, qui a une petite victoire en avance, et juste derrière le Real qui est leader avec un petit peu plus de marge. 30e journée, il reste 5 matchs, hein, avant la fin de saison régulière. Monaco reçoit Milan, ce sera mercredi à 19h. Voilà, donc occasion de rester sur troisième place, important évidemment pour le tirage au sort des quarts de finale, face au 13e du championnat, l'ASVEL, qui est toujours 17e de ce classement. Voilà, donc l'Euroleague, ce qu'on peut en dire. En tout cas, Monaco, tout va bien malgré cette petite élimination en Coupe de France, mais Voilà, évidemment, l'enchaînement peut aussi jouer beaucoup dans ce résultat. Voilà, et puis il restera aussi un match dans l'autre compétition, dans la Ligue des Champions, pour connaître les qualifiés pour la suite. Voilà, on a encore des possibilités françaises, même si elles sont pas très très bien classées hein, jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, il y a encore des possibilités pour essayer de se qualifier et aller chercher la suite de la compétition. Voilà pour Ligue des Champions. Puis en Eurocoupe, on retrouvera deux clubs français, Bourg-en-Bresse et Paris, qui sont qualifiés pour les demi-finales. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, qualification, c'était cette semaine en quart de finale. Bourg-en-Bresse s'est imposé 95-82, alors que Paris Basket s'est imposé largement 86-70. Donc on les retrouvera en demi-finale. En plus, deux demi-finales différentes, donc on peut retrouver une finale française, on l'espère. Bourg-en-Bresse affrontera Béchiktaş, match aller la semaine prochaine. Et puis, Paris reçoit London Lions, là aussi mardi prochain. Et le match retour aura lieu le vendredi suivant, donc ça va s'enchaîner assez vite. Et on pourrait retrouver deux clubs français, ce serait historique, en finale de cette Eurocoupe. Et puis, là aussi, on retrouvera un club français en demi-finale de l'Euroleague féminine. Ce sera le Villeneuve d'Ascq qui s'est qualifié en gagnant 2-1 dans la série face à son adversaire. Donc on les retrouvera en demi-finale, les Françaises, face à Prague. Match vendredi le 12 avril, hein, ce sera que dans un mois. Là aussi avec des séries qu'on attendra pour essayer de voir un petit peu ce que fait nos Françaises pour peut-être la qualification en finale. Ce serait une belle victoire. Puis en revanche, en Eurocoupe, pas de Française en finale. Voilà le point basket. On va enchaîner avec dans un instant le tennis et les tournois qui vont arriver cette semaine hein. Indian Wells, c'est fini. Miami qui va enchaîner. Et puis avant ça, du rugby donc avec notamment la fin de ton destination. Victoire de l'Irlande dans le tournoi, c'était pas une surprise, même s'ils se sont fait un peu peur hein, les Irlandais, début de match face à l'Écosse, mais victoire finalement 17-13. L'essentiel est fait pour l'Irlande qui s'impose dans le tournoi. En tout cas ils ont dominé la deuxième période, mais voilà, ils ont failli laisser les Écossais revenir. Finalement, ça suffit pour les Irlandes. L'Italie a fait aussi une belle surprise en s'imposant au Pays de Galles. Et 24-21, qui réalise le meilleur tournoi de leur existence hein, depuis 2000, et l'arrivée de l'Italie dans le tournoi, qui termine avec deux victoires et un nul, et deux défaites, donc beau bilan pour l'Italie, qui termine cinquième. C'est le Pays de Galles hein, qui termine dernier cette année avec cinq défaites en cinq matchs, et cuir de bois donc pour le Pays de Galles. Et puis la France, qui s'est imposée face à l'Angleterre sur le dernier match, 33-31, belle rencontre hein, qui s'est bien débridé avec 4 essais côté anglais, 3 français. Et puis la pénalité de Thomas Ramos en toute fin de match à 50 mètres des perches, qui a permis aux Français de s'imposer sur le fil. Donc, et voilà, gros match en tout cas, de beaux essais. Et la France qui termine du coup deuxième de ce tournoi devant l'Angleterre et l'Écosse qui termine donc quatrième du tournoi donc 2024. La saison va pouvoir reprendre bien sûr chez les clubs avec cette semaine, ce week-end même, le retour de la Coupe d'Europe. Ça y est, donc les huitièmes de finale auront lieu à partir de vendredi. Chez les Français, on jouera samedi Lyon, déplacement aux Blue Bulls samedi à 13h30. La Rochelle ira affronter le club de Stormers, ce sera donc le club sud-africain à 16h. On aura ensuite Bordeaux-Bègles qui recevra Saracens à 18h30 sur samedi. Et puis dimanche, rencontre 100% française entre Toulouse et le Racing à 16h. Voilà, ça ce seront les matchs de la Coupe des Champions. Et puis dans l'autre compétition, dans le Challenge Cup, voilà, on aura là aussi des Français qui seront engagés dans ces huitièmes de finale. Ce sera notamment le cas de Castres qui jouera vendredi à Gloucester, vendredi soir. On aura samedi Clermont face au Cheetah. Là aussi, club sud-africain, donc réception de Clermont, et puis Bayonne ira à Édimbourg samedi soir, et enfin Montpellier recevra Ulster dimanche et Pau recevra le Connacht. Voilà les Irlandais du Connacht dimanche après-midi. Voilà donc beaucoup de chances françaises pour ces huitièmes de finale des Coupes d'Europe. Et puis le top 14 reprendra le week-end suivant. Les directs, ça démarre. Hein, le match qu'on va suivre ce soir hein, national, c'est donc Villefranche Red Star. Ça démarre à l'instant. Donc entre le 13e et le leader du classement de national. Un mot pour dire que en tennis, Carlos Alcaraz s'est imposé dans le tournoi d'Indian Wells, qui conserve son titre. Il s'est imposé devant Daniil Medvedev en finale hier 7-6, 6-1. Victoire donc de l'Espagnol qui reste deuxième dans le classement ATP. Toujours dominé d'ailleurs par Novak Djokovic. Yannick Sinner troisième, Daniil Medvedev quatrième. On a Alexander Zverev ensuite. Rublev, Rude, Urkadz et Deminor qui domine les top 10. Hugo Humbert, le premier français, est 15e. Alors qu'Adrien Nanarino, lui, est 20e. Cette semaine, chez les hommes, on sera à Miami à partir de jeudi. Voilà, qui sera le tournoi principal de la semaine. Carlos Alcaraz sera bien entendu engagé. Novak Djokovic a déclaré forfait après sa défaite en troisième tour de Indian Wells. On aura donc également présent Yannick Sinner. On aura Daniil Medvedev. Tsitsipas, on aura Rublev, voilà, tout le monde est là quasiment. Chez les Français, Gaël Monfils, du côté de tableau d'Alcaraz, qui pourrait rencontrer dès le troisième tour, condition de se qualifier, bien entendu. Adrien Manarino sera également présent. On aura également Luca Van Hache, Hugo Humbert, on aura Arthur Fils aussi, qui jouera demain. Qui jouera à partir de jeudi, pardon. Ce sera donc le début de ce tournoi à partir de mercredi même. Je vous ai dit jeudi, ce sera même mercredi pour le premier tour. Donc un peu plus de 10 jours pour ce tournoi de Miami. Alors que chez les dames, eh bien c'est donc la victoire dans ce tournoi aussi d'Indian Wells qui avait lieu aussi chez les dames de Iga Świątek, la polonaise, qui s'est imposée en battant la grecque Sakkari 6-4, 6-0, voilà, assez facilement dans cette finale d'Indian Wells. Cette semaine, là aussi, Miami sera au programme, hein, comme chez les garçons. Świątek qui sera là, évidemment, présente. On aura Caroline Garcia. On aura Diane Paris. On aura Clara Burel. On aura Sabalenka, la numéro 2 mondiale. Très peu de Français, hein, donc, cette semaine, engagés à Miami. Chez les dames, donc le classement toujours dominé par Świątek, la polonaise, Sabalenka, Coco Gauff, la française, première française. Elle est assez loin puisque c'est Caroline Garcia et elle est seulement 27e de ce classement. Voilà le programme de la semaine de 10 jours même à venir en tennis, donc Miami au programme. Et donc on va marquer une pause juste maintenant pour revenir juste après et le foot. Et donc le direct est parti, on va le suivre en fil rouge donc jusqu'à normalement si tout va bien jusqu'à la fin de la soirée. Allez, une pause et on revient juste après pour terminer la soirée avec Hugo dans 2 minutes, 3 minutes, le temps d'écouter ce titre là qui va partir tout de suite et on se retrouve donc dans 4 minutes même pour la deuxième partie, et la deuxième et dernière partie d'ailleurs de l'émission. C'est Dr Alban avec Sing Alléluia tout de suite. Et donc dans 4 minutes, Hugo avec nous pour le foot. À tout de suite. Baby, season, I want to dream. Baby, the rhythm, the bed is on. Docteur Alban, sing Alléluia pour eh bien le titre de la soirée, deuxième pause. Eh bien, on est de retour donc pour eh bien cette dernière partie. On a normalement Hugo qui va être avec nous dans quelques secondes, le temps de eh bien de manipuler au niveau de la technique. Et non, il n'est pas encore avec nous, Hugo. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir jusque le temps de faire la petite manip et on sera avec lui pour eh bien la dernière partie de l'émission donc et donc on va parler de foot évidemment, on a les directs aussi qui sont partis, on va le suivre jusqu'à la fin entre Villefranche et Red Star si tout va bien et voilà le temps de retrouver avec nous Hugo hein, qui va être avec nous dans une poignée de secondes. Le temps peut-être que tout se mette en place, ça n'a pas l'air d'être fait encore. On va essayer de faire ça en direct et on va pouvoir retrouver Hugo tout de suite, juste le temps de faire la petite manip et on va pouvoir avoir Hugo avec nous tout de suite là dans une poignée de secondes et puis donc on va retrouver le foot tout de suite avec les directs que l'on suit évidemment. Le temps de retrouver Hugo, hein, ça met un peu plus de temps que prévu, mais on va le retrouver. On va juste marquer une toute petite pause pour la technique pour retrouver Hugo et on se retrouve juste dans 2 minutes de temps de refaire la petite manip. Pas tout de suite. On a Hugo qui est avec nous si tout a bien fonctionné cette fois. Allô, allô, est-ce que Hugo est avec nous? Oui. Je crois qu'il est avec nous. Formidable. Parfait. Comment ça va? Eh ben, ça va très très bien. Et toi? Impeccable. Bon, ça n'a pas été simple, mais c'est bon, on est bien avec ouais. Toi. Pour cette deuxième partie, foot, on est un poil en retard, à 21h12. On va essayer de rattraper notre retard. T'es toujours là, hein? Toujours là, je te vois. Oui, je ne t'entendais plus. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de pronostic à faire, donc ça, on va gagner un petit peu de temps là-dessus. Puisque c'est la trêve internationale qui arrive. Donc, ce week-end. Donc, un direct ce soir seulement, ce sera le National Villefranche-Beaujolais Red Star. C'est le direct, c'est le seul direct de la soirée. Donc, je suis devant si des fois vous voulez des précisions. Magnifique. Bah, voilà. En tout cas, je connais pas un joueur, mais en tout cas. Oui, c'est, bon, oui, bon, c'est du national, hein, c'est. Voilà. Oui, c'est bien. Bon, mais c'est bien, je découvre un peu le championnat comme ça. Ben voilà, donc on suit ça en fil rouge. Pour le foot, eh bien, débrief de la semaine européenne, Ligue des Champions, Ligue Europa, Conférence Ligue, et puis on aura aussi bien sûr les championnats ensuite du week-end, et puis l'équipe de France au programme dans la semaine. On va y revenir avec la sélection de Didier Deschamps, et puis on parlera aussi, on pourra parler des espoirs aussi, puisqu'il y avait aussi la sélection de Thierry Henry pour donc les derniers matchs de préparation aux Jeux Olympiques. Commençons avec notre débrief européen de la semaine. Il y avait des matchs qu'on attendait, on en avait parlé, des matchs qui étaient attendus, avec les huitièmes retours notamment. Et on a eu des beaux matchs. On a été servis. Avec d'abord, on avait l'Atlético qui recevait l'Inter pour inverser la tendance, qui avait perdu 1-0 à l'aller. Et notamment le retour d'Antoine Griezmann aussi, qui était attendu, qui avait repris un petit peu plus tôt que prévu pour jouer ce match, et il a été précieux, le Français buteur, et qui a été très actif dans le jeu, et finalement c'est l'Atlético qui se qualifiait au tir au but, alors que Depay avait égalisé en fin de rencontre, et qui file en quart, belle perf de l'Atlético, qui a vraiment été performant sur cette rencontre. Ouais, c'est clair. Après, pour revenir déjà sur Griezmann, c'est un peu ce qu'on entendait, mais potentiellement il serait revenu pour ce match-là. Mais il me semble que lundi dernier, on se disait qu'il serait potentiellement, c'était quasiment sûr qu'il serait pas là. Et on était même pas trop sûr s'il allait pouvoir jouer contre le Barça aussi ce week-end. Même s'il me semble que j'avais dit que peut-être que c'était un coup de bluff de Simeone, un peu de rester flou là-dessus. Et au final, ouais, donc Griezmann était là. Il a fait son match. 115 minutes qui revenait de blessure. Ouais, donc c'est déjà énorme. Et puis, t'as dit combien, t'as dit ? Il a joué 115 minutes, il a quasiment joué tout le match. 105 ? Ouais. Ah, pardon. C'est 105, 106e remplacé par Saoul. Ah oui. Mais ça reste énorme quand même. Ça reste énorme. Quand tu reviens de blessure, et puis surtout dans un match comme ça avec une très très grosse intensité. Surtout quand t'as le jeu de l'Atlético, c'est que de l'intensité tout le temps. Donc c'est sûr que c'est énorme. Mais non, énorme match. J'ai pris du plaisir quasiment du début à la fin. Une entame de match énorme de l'Atlético. Et malgré ça, c'est l'Inter qui arrive à ouvrir le score à la 33e, alors que. Un peu contre le cours du jeu, oui, c'est vrai. Un peu contre le cours du jeu, mais c'est aussi le jeu de l'Inter qui sont très bons en ressortie de balle, en contre-attaque, et ils l'ont prouvé avec ce but de Di Marco. Et puis deux minutes après, il y a Griezmann, sur une erreur un petit peu de la défense interiste, mais Griezmann est là un peu en renard de surface au bon endroit, et puis il claque en se retournant une reprise de volée au fond des filets, donc c'est un partout, donc c'est mérité. Puis le match est tout de suite relancé encore une fois, et puis ça a été ça jusqu'au bout, hein. Bon, il y a eu forcément une petite période de creux un petit peu dans les 15-20 premières minutes de la seconde période, et puis après c'est reparti en fin de match. Ils ont poussé l'Atlético jusqu'à ce but de Depay. Et puis même les prolongations étaient très plaisantes, même s'il y avait un peu de fatigue forcément, les entrants ont vraiment tout donné. Depay, il a été énorme. Riquelme, qui était rentré encore dans le temps réglementaire, était énorme aussi. Correa, je parle beaucoup de l'Atlético parce que c'est quand même eux qu'on plus su le ballon évidemment, et qu'on plus fait le jeu, même si l'Inter n'a pas démérité non plus sur la double confrontation, mais là vraiment sur ce match-là, l'Atlético mérite. Et puis, c'est un petit peu la séance de pénalty, j'allais dire c'est un peu le hasard, mais pas tant que ça, les pénaltys, ça se travaille. Quand tu vois les vieux pénaltys d'Alexis Sanchez et de Martinez, le dernier de Martinez, il est effrayant. Il est fou, ouais. Ah, mais comment tu peux faire pour dévisser autant, pour la mettre aussi haute, aussi à droite. Je sais pas comment c'est possible. Puis Sanchez, bon, c'est un petit peu déçu parce que, à l'OM l'année dernière, il les tirait tous et il les tirait très bien. Donc j'étais assez étonné qu'il loupe le sien. Une vieille frappe un peu molle à mi-hauteur, donc. Mais bon, l'Atlético se qualifie. On va dire que c'est mérité sur ce match-là, mais sur le match aller, c'est l'Inter qui mérite. Donc, l'un comme l'autre, c'est pas un scandale, mais c'est l'Atlético qui passe finalement. Bon, en tout cas, super match, on s'est régalé, quoi. Ouais, c'était vraiment plaisant, hein. c'est clair. Et l'Atlético qui poursuit l'aventure, l'Inter, qui pouvait rêver d'un doublé, c'est raté. Donc, bah, surtout qu'on disait quoi, l'Inter, ça faisait partie des grands favoris, plus que l'Atlético. Oui, c'est vrai. Mais l'Italie maintenant, enfin l'Inter, n'aura plus que le championnat à jouer, et quand on sait avant ce qu'ils ont, ça va être une fin de saison qui va être un peu longue pour eux. Hein. De plus avoir de compétition européenne à jouer. L'Italie a perdu ses trois représentants en Ligue des Champions d'un coup. Oui. Ils ont perdu la Lazio contre le Bayern, le Naples contre le Barça, on va en parler dans quelques instants, oui, je pense, et puis la Inter du coup. Donc c'est rare aussi. Hein, c'est vrai pour que les Italiens, tout ça. L'an dernier, on se rappelle l'incroyable saison qu'ils ont faite, et là, dès les huitièmes, il n'y a plus personne, quoi. Autre match de mardi, c'était j'ai commencé par mercredi, c'est pas grave. Enchaînons du coup avec Dortmund face à Eindhoven, où Dortmund donc se qualifie, qui s'est fait peur mais qui s'est qualifié assez, je dirais peut-être logiquement sur l'ensemble des deux matchs, hein, qui partaient plus favoris que Eindhoven, à mon sens. Ouais, oui, quand même. Après, ça restait vraiment la confrontation, encore une fois, où c'était un peu du 50-50 quand même, parce que Dortmund, ça reste pas énorme cette saison. Le PSV, justement, fait une énorme saison. En revanche, déjà dans cette compétition et puis surtout en championnat. Pour être honnête, c'est le seul match des quatre où je l'ai très peu suivi. J'ai à peine pu voir un résumé entier, donc je vais pas m'étaler longtemps dessus, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que Dortmund a eu ses occasions, mais le PSV aussi, notamment en seconde période. Dortmund a été plus tranchant, notamment au tout début de match et puis à la toute fin, hein, puisque but de Sancho à la troisième et de Marco Reus à la 90+5. Après, je sais pas si tu as vu plus que moi des images de ce match-là. Non, pas grand-chose non plus. Non. Mais honnêtement, je pense que c'est un match plaisant, en tout cas de ce que je peux lire et tout ça. Et puis c'est deux belles équipes, surtout le PSV m'intéresse vraiment beaucoup. C'est vrai que j'aimerais bien les voir un peu plus finalement en cette fin de saison, pour être qu'ils m'intéressent. Mais voilà, Dortmund, ouais, qui se qualifie, sur le papier ça peut paraître logique, mais encore une fois je trouve que le PSV c'est quand même une belle équipe cette saison, qui sont toujours invaincus, je crois, en championnat. Comme Leverkusen, donc en Allemagne, mais en tout cas, c'est Dortmund qui passe. 2-0, c'est quand même propre, c'est net. Le PSV n'a pas été assez tranchant aussi dans les derniers gestes, donc c'est mérité pour Dortmund quand même, forcément. Et puis ça fait que du coup là en quart de finale, c'est quand même c'est un peu subjectif, mais avoir autant de gros clubs en quart de finale, on va dire. Oui. En vrai, on peut croire que ça arrive souvent, mais en fait pas. Non, c'est pas commun non plus. Hein. Ouais, on a un peu l'impression, c'est un peu grotesque aussi, un peu subjectif, mais de retourner un peu période 2013-2015 où il y avait vraiment des grosses équipes, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Hey. Tu vois, le gros Bayern, le grand Barça, le gros Real aussi, tu vois un peu l'époque que je veux dire. Hey. Et c'est marrant, on a l'impression un peu de retrouver ça cette année. Même si je trouve que justement là, à la limite, il y a moins de grosses équipes, tu vois. À part City, encore une fois, qui est pour moi encore le grand favori, tu vois. Après, tu vois, on se dit bon, c'est qui après le favori après City, c'est Arsenal. Et tu vois, même Arsenal, il y a aucune certitude. Non. On en parlera. Ça n'a pas été simple non plus. Et le Real peut-être. Oui, ça reste la compétition aussi. Et puis voilà, bien oui, il y a le Real aussi, bien sûr. Mais ça reste. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes entre l'Atlético, le PSG, Dortmund, Barça. Tu vois, c'est des gros noms, certes, mais je trouve que pas cette année. Pas leur meilleure période en fait à tous ces clubs là, et bon, on verra bien quand même, hein, ça veut rien dire, mais sûrement que l'écart va être kiffant, hein, on sait sûr, cette compétition va toujours vibrer, donc ça c'est une certitude, mais voilà. Et puis donc les autres matchs, on avait justement Arsenal qui recevait Porto, et ça s'est encore joué aussi au tir au but, hein, comme le match de l'Atlético, et Arsenal c'est fait peur aussi, mais l'essentiel est fait, c'est de se qualifier. Tir au but aussi, hein, ça a pas été simple, hein, et on peut aussi mettre en devant le gardien d'Arsenal, hein, David Raya, qui a été assez bon sur cette séance et qui qualifie presque à lui tout seul, hein, son équipe sur ses tirs au but. C'est les deux tirs au but ratés de la part de Porto, donc de Wendel et de Galeno d'ailleurs, qui avait marqué au match aller. c'est deux tirs au but là, c'est deux tirs au but un peu à mi-hauteur et tiré sur la gauche de Raya, et c'est là où il est plus à l'aise, et bah, c'est notamment pour ça qu'il était arrêté. Après, voilà, moi ce match-là, du coup, bah, j'ai commencé à le suivre à la fin de Barça-Naples, donc j'ai pu voir un petit peu la prolongation, enfin un peu de prolongation, et puis donc cette séance de tirs au but. En tout cas, j'ai vu le résumé après, mais ça avait l'air déjà plus plaisant que le match aller, en tout cas plus ouvert forcément. Bon, c'est un match retour aussi, donc c'est normal. Faut Arsenal courir au score. Il y a eu ce but de Trossard, très beau but aussi. Voilà, Porto a eu aussi des occasions. Hein. Ils auraient pu marquer aussi. Arsenal aurait pu aussi faire le break, mais ça n'a pas fait. Voilà, Porto a tenu jusqu'à ses tirs au but. C'est rien dit au hasard, tirs au but non plus, mais c'est quand même un petit peu aussi du pilou passe de temps en temps. Mais Arsenal logiquement quand même, en tout cas. Sur le papier, se qualifie et rallie les quarts de finale, ça doit leur faire du bien. Ça fait, je sais plus combien de temps. Donc voilà, la logique a été respectée. Après, sur les physionomies des deux matchs, ouais, peut-être qu'Arsenal était forcément un petit peu au-dessus, mais Porto n'a pas démérité non plus. Puis quand tu vois un PP 41 ans qui enchaîne un match de 220 minutes, quand même, ça aussi, je tire mon chapeau. Même si PP, bon, on l'aime ou on le déteste. Enfin, c'est un joueur un petit peu détestable en tout cas. Mais on peut être qu'admiratif en tout cas d'un joueur comme ça, 41 ans, de jouer encore à ce niveau-là, dans l'une des plus grosses équipes du Portugal et puis au plus haut niveau européen. Et enchaîner 120 minutes comme ça, c'est génial aussi. Donc c'est aussi une belle histoire pour Pepe, même si bon, ça s'arrête là pour Porto. Mais voilà, Arsenal en tout cas qui est qualifié et ça fait du bien pour les Gunners. Et enfin, le Barça, on va justement en parler face à Naples. Qualification 3-1 et donc le Barça en quart de finale. Le Barça qui a vraiment qui est très très bien rentré dans son match, qui a été tout de suite à l'attaque, à l'abordage, et puis ça s'est conclu par deux buts à la 15e de Fermín López et puis à la 17e de Cancelo, coup sur coup. Donc ça a mis un petit coup à Naples, mais ils ont quand même réagi, Naples, moins d'un quart d'heure après, à la 30e minute. Un but de Ramani, Naples qui a su un petit peu sortir la tête de l'eau, mais globalement le Barça a quand même maîtrisé ce match. Il y a eu ce but de Lewandowski aussi à la fin de match, à la 83e pour le Barça, pour clouer un peu pour tuer le match. Voilà, le Barça qui a dominé ce match, notamment par ses trois petits jeunes, hein, Lamine Yamal, 16 ans, Koubarsi, il a quel âge Koubarsi? 17 ans, ouais. Et puis Fermín López, du coup le buteur de 20 ans. Voilà, au final c'était un peu les trois grands hommes de ce match-là, et c'est les trois minots du Barça, et c'est aussi des belles histoires. Après, j'espère que ils vont pas forcément pareil être cuits trop vite comme des Pedri, qui a du mal à s'en remettre de sa saison il y a deux ans là où il avait enchaîné plus de 70 matchs avec les Jeux Olympiques, l'Euro, puis toute la saison. Gavi aussi qui est encore blessé, qui a du mal un peu à s'en remettre aussi. Ansu Fati, c'est pareil, hein, c'était un crack et puis d'un coup ça n'allait plus trop. Donc j'espère que ces joueurs-là, qui pour l'instant sont énormes, notamment Lamine Yamal qui a encore fait un gros match aussi ce week-end, on en parlera tout à l'heure. Voilà, j'espère que ces joueurs-là, pour le coup, ils iront loin, ils auront la carrière qu'ils méritent. En tout cas sur ce match-là, ils ont assuré, le Barça a assuré quand même. J'ai vu un beau Barça sur ce match-là, alors même si je suis pas barcelonais du tout, et voilà, ça fait plaisir aussi de revoir un Barça comme ça, sans Messi, rallier les quarts de finale aussi, et puis proposer aussi un peu du beau jeu comme ça, c'est surtout avec un Barça un petit peu moyen qu'on voit depuis le début de saison. Enfin voilà, c'est pas catastrophique, mais on en parle toutes les semaines. Ça fait du bien aussi de le voir faire une belle performance comme ça en Ligue des Champions, un 8e retour. Donc non, c'est un match aussi plaisant. Moins que Atletico Inter, mais c'est un match plaisant honnêtement à suivre. Et puis ça donne encore une fois des très beaux quarts de finale en prévision. Les quarts de finale. Justement, le Barça, on en parlait, qui va affronter le Paris Saint-Germain. D'abord au Parc des Princes et ensuite dans le stade annexe du Barça. Bon tirage quand même pour bien pire. Oui, bien sûr. Encore une fois, oui, vaut mieux tirer le Barça, surtout à cette période-là, qu'un Real ou qu'un City, c'est une certitude, voire même un Arsenal, voire même un Bayern, j'ai envie de dire, parce que le Bayern, en plus, là, on en reparlera encore une fois tout à l'heure quand on parlera de la Bundesliga, mais là, tu sais, depuis quelques semaines, la machine revient au Bayern, hein, ça repart. Bon, c'est un peu tard, malheureusement, pour le championnat, mais en tout cas, potentiellement pour la suite de la Ligue des Champions, justement, c'est le Bayern. Je pense qu'il relance un petit peu la machine, mais voilà, mais c'est sûr que oui, on va dire que le Barça, c'est un bon tirage, encore une fois, par rapport au cadre qu'il y avait à côté. Mais bon, en même temps, ça donne encore un énième PSG Barcelone et oui, en Ligue des Champions. Mais en même temps, c'est ça qui est bon aussi. Est-ce qu'il y a encore une revanche par rapport à la remontada, ou est-ce que justement le Barça veut prendre sa revanche? Enfin, voilà, non, c'est aussi des histoires comme ça à la longue. On a l'impression de voir tout le temps cette affiche-là, mais en même temps, ça nourrit aussi un petit peu le mythe. Et puis, je pense que ça sûrement motive à chaque fois les joueurs. En tout cas, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Mine de rien, je pense que le PSG est légèrement favori, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que le PSG, encore une fois, il n'y a pas non plus 5000 certitudes. Quand tu vois qu'en championnat, bah, c'est un petit peu ralenti, même si t'as peut-être pas forcément, surtout avec autant de points d'avance, la même motivation en championnat qu'en LDC, c'est sûr. Mais je pense pas que le Barça soit tant en dessous que ça du PSG. Hein, quand tu vois que le PSG, des Gonçalo Ramos, des Kolo Muani, des Barcola qui sont moyens en ce moment, enfin surtout Barcola qui est moyen, alors que moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce joueur depuis le début de saison. Ben voilà, c'est assez mitigé un peu des deux côtés, donc finalement je trouve que c'est un peu du 50-50 cette affiche là même toutes les affiches au final, je trouve que c'est ouais, c'est assez équilibré. Arsenal Bayern, ça me semble équilibré. Real City, bah on va dire les deux gros favoris. C'est dommage, oui, c'est un peu tôt, ouais, aussi, ouais, c'est sûr. Après voilà, Atletico, Borussia Dortmund, pour moi c'est mine de rien les deux plus faibles entre guillemets équipes de ces quarts. Et puis PSG Barça, pareil, ouais, c'est 50-50 à peu près, enfin voilà, des équipes, des bonnes équipes, mais sans plus. Donc ouais, non, ouais, c'est vrai que c'est équilibré ces tirages. Et au moins pour le coup, je pense qu'il y aura du spectacle et du suspense. En tout cas, j'espère. J'espère que tous les matchs seront pas joués quasiment en un seul match, mais bon, je pense pas. Mais non, bah ça va nous promettre vraiment. C'est quand c'est 9 avril et 10 avril déjà le match aller. Ouais, c'est ça. Le mois d'avril va être sympa. Va être chargé. Et c'est donc Paris, ce sera le 10, ouais. Ouais. Et puis du coup, bah, le tirage des demi, bon, on s'avance un peu, mais pareil, qui a hérité du meilleur quart, j'ai l'impression, avec Atletico Dortmund, hein, quand même. Ouais, pareil, ça va là-dessus. Enfin voilà, on va pas s'avancer, comme tu dis. Faut déjà se qualifier. Mais oui, si c'était tapé franchi des quarts de finale, c'est vrai qu'on tombe sur le bon adversaire entre guillemets. Ouais, Atletico Dortmund, donc c'est sûr que c'est arrangeant, et puis surtout que tu jouerais la demi-finale retour au Parc des Princes. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien aussi, mais parce que c'est vrai que moi, je suis toujours partisan, je fais toujours partie de ceux qui pensent que oui, match retour à la maison, c'est toujours mieux quand même. Donc c'est pour ça que bah déjà, il va falloir faire le taf pour le quart de finale aller contre le Barça au Parc. Bah, pour moi, faut au moins gagner, forcément, et si possible, avec au moins deux buts, évidemment, d'écart, hein, de toute manière. Pour se mettre un peu à l'abri là-bas, parce que c'est le Barça quand même si c'est plus le Barça de l'époque, on sait jamais. Puis PSG, on les connaît, puis les malédictions avec le Barça ou je sais pas qui, voilà. Mais en tout cas, oui, pour revenir sur la demi-finale, c'est vrai que bon, on tombe sur le bon quart de finale, quoi. C'est ça. Donc ouais, et puis ensuite donc le vainqueur de Real City face à Arsenal ou Bayern, ça fera une belle affiche, et puis voilà, donc pour cette demi-finale potentielle. Et on a aussi tiré la finale. Bon, si jamais Paris y va, Paris aura le privilège de recevoir, entre guillemets, et de choisir ses couleurs et son vestiaire. Bon, c'est un peu anecdotique, mais il y avait aussi ce tirage-là qui a été fait. Très bien pour la Ligue des Champions. Donc, rendez-vous les 9 et 10 avril pour les quarts de finale. Ligue Europa maintenant, eh bien on va se concentrer surtout sur Marseille, qui était le seul club français engagé, et qui est toujours d'ailleurs le seul club français engagé après sa défaite, mais sa qualification. Jean Cognac qui devait pas être bien devant le match avec défaite 3-1. Ouais, ça coulait un petit peu au fond de ouais, j'imagine, ouais, de mon jean. Ouais, mais vraiment j'étais assez bon, il y a eu le 1-0, bon bah forcément c'est pas la catastrophe, tu dis ok, normal, ils jouent un peu, ils sont chez eux, voilà, tu te prends un but, c'était presque écrit d'avance. Il y a le deuxième, bon, deuxième qui arrive bon quand même à la 57e, tu dis bon, il y a du temps, mais ça va aller quoi, ou au moins on va peut-être marquer aussi. Mais en même temps on n'existait pas depuis le début du match quasiment, et puis la 86e, le 3-0, aïe, par le mec en plus qui avait foiré son match au match aller, la Mosquera, ouais. Ouais, qui avait donné le penalty, qui avait mis le CSC, etc. je me dis, putain, on va se faire, pas, désolé pour le mot, on va se faire niquer par ça. Et bon, Dieu merci, il n'y aura pas de remontada pour l'OM. Il y a eu des occasions de 4-0, hein, Paul Lopez qui a sorti. Ah oui, clairement. Moi, je voyais bien un scénario, celui qu'on connaît par cœur avec les Français. Tu prends ce but, tu vas en prolongation et tu perds en prolongue. La tendance à l'inverser, tu reprends un but et puis tu te fais sortir, quoi. Ah bah de toute façon, moi, s'il y avait eu 4-0 déjà qu'on allait en prolongue, justement, c'est peut-être français de penser comme ça, mais moi, je pense que c'était terminé, quoi. Enfin, déjà, on n'a pas. C'est un peu comme Lens avait fait. Ouais, avec Fribourg, contre Fribourg. Voilà. Ça faisait un peu le même scénario. Enfin, j'ai cru, heureusement, ça s'est pas produit, mais ça ressemblait à ça, quoi. Bah, un peu le même scénario, sauf que là, de base, tu mènes 4-0, quoi. C'est ça. De base, tu mènes 4-0, alors tu vas en prolongation. Ah, putain. Mais il y a eu ce but de la délivrance dans les dernières secondes, quand même, de Klose, sur un très, très gros travail encore de Aubameyang. Où là, vraiment, on se dit, ça y est, là, on peut souffler, il reste que quelques. Il restait quoi, une minute, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'était quasiment fini, déjà, ouais. Ouais, mais tu vois, on sait jamais, à tout moment. Oui, tu peux, sur une dernière occasion, oui. Tu loupes cette action-là, contre-attaque, où il y a un corner de l'autre côté, le gardien il monte, enfin, ils ont plus rien à perdre, et puis. Un coup de billard dans la surface, et puis. Ah, et tu t'es classifié là-dessus. Ah, bah, on connaît bien trop, ouais. Mais, bon, voilà, la finalité est heureuse, mais, quand même, c'est pas glorieux non plus, voilà, après un match aller quasiment parfait. Faire ce match retour là catastrophique, ça fait tâche un peu quand même, donc c'est dommage. Et puis mais je pense peut-être qu'on a payé un petit peu aussi cette remise à niveau en championnat et puis du match aller. Donc sur ce match là, et puis on va en parler tout à l'heure, mais en championnat ce week-end aussi. Ouais, bah après ça s'explique aussi par peut-être par ce match là, enfin, ça faisait beaucoup de matchs d'accumuler. Ouais, forcément aussi, tu vois, bien sûr. Mais quand même, je pense que. On n'aurait pas dû subir autant de toute manière, on n'aurait pas dû être mené 3-0 comme ça sans réagir. Voilà, entre guillemets, ça reste des joueurs professionnels aussi. Ils étaient censés savoir un petit peu enchaîner les matchs ou au moins ne pas subir autant quand au match aller t'as su maîtriser l'adversaire. Enfin, 4-0, quoi. Mais bon, voilà, on va dire, on va pas passer 30 ans dessus. Le principal, ça reste la qualification. Et puis voilà, on verra bien en quart de finale maintenant contre Benfica. Exactement, oui, puisque le tirage, voilà, avec le Benfica à Lisbonne, donc, qui était aussi un des adversaires abordables, hein, en vue du tableau, hein, Milan AC qui s'était qualifié. On avait Leverkusen non sans mal, hein, parce que ça a été un scénario aussi incroyable pour le Bayer Leverkusen, hein, avec les buts dans les traditionnels de Patrick Schick encore, qui est presque indispensable au Bayer cette année, hein. Et qui du coup non seulement ne perd pas et en plus se qualifie sans prolongation, ça a été fou quand même. Mais reste toujours invaincu en toute compétition, c'est quand même incroyable. Ah ouais, c'est fou. En vrai, c'est fou. Justement, je regardais sur l'appli l'équipe. Enfin, je regardais tout leur calendrier depuis le début de saison. Il y a que du vert ou du. Il y a que du vert ou du gris, quoi. Enfin, pour les matchs nuls. Il y a pas un. Truc rouge, il n'y a pas un score rouge, c'est dingue quand même. C'est fou, hein. Même les matchs amicaux, face à Marseille d'ailleurs. Ouais, face à Marseille cet été, ouais. Ils ont gagné, bon, ils ont peut-être joué d'autres matchs amicaux, ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait qu'un, mais ouais, tout est vert, ou presque. Ouais, mais c'est dingue, faut le souligner de toute manière. C'était gros travail, et puis est-ce que Xabi Alonso va rester l'année prochaine, je ne sais pas, surtout que Liverpool. Il y a deux noms qui ressortent un peu à Liverpool pour l'instant, ce serait soit Xabi Alonso, soit Franck Hez de Lens. Ouais. Pour l'instant, on a le temps encore de voir, mais pour l'instant, c'est un petit peu les deux noms qu'on fuitait plus ou moins. Enfin bon, voilà, c'est une aparté que je fais, mais ouais, Leverkusen, c'est impressionnant. Et ouais, fallait pas les tirer. Ouais. Pour les cas, ouais. Liverpool aussi était à éviter, évidemment. Et on avait la Roma, on avait ce Benfica qui est plutôt un tirage qui est jouable, en tout cas qui peut laisser l'obstacle se passer, mais ça va pas être simple. C'est sûr. Je me demande si j'aurais pas préféré la Roma, tu vois. Peut-être, ouais. Parce que c'est vrai que c'est compliqué toujours de jouer, on le sait, là-bas au Benfica Lisbonne. Ouais, les Portugais, on a toujours un peu de mal, et puis ce diable de Di Maria qui serait là. Avoir 35 ans, 36 ans, je sais plus combien il a, mais il est toujours très très bon, et puis il a toujours ses pattes, quoi. Son petit crochet, ses frappes de loin enroulées, On a connu hein, le France-Argentine 4-3 en 2018, il met son pion avant la mi-temps. Pas d'autres exemples, mais. Donc, moi, j'aimerais avec Pepper. J'aurais préféré taper, ouais, presque à la Roma. Atalanta, quand même, aussi, je pense que c'était le meilleur tirage, Atalanta. Aussi, ouais. Je pense. Après, ouais, quasiment tous les adversaires, même West Ham, mais bon. Quasiment tous les adversaires, l'OM n'est pas forcément favori. Parce que West Ham, ça reste des équipes de première ligue, ça reste très compliqué aussi. Ça joue beaucoup en première ligue. Ils sont habitués au. Voilà, au foot de très haut niveau et de grosse intensité. Mais ça reste un tirage, on va dire, plutôt bon, Benfica. Mais... Puis il y a le match retour aussi au Vélodrome. Oui, c'est ça, un avantage aussi, oui. Mais pareil, il va falloir faire le taf au Portugal, hein, à Lisbonne. C'est ça. Il va falloir perdre 2-3-0 ou 3-1. Voilà. Faut essayer au moins de ne pas perdre ce match et au moins de repartir avec le nul. Quoi. Bon, puis si on va plus loin, il y a probablement Liverpool en demi. Hein. Bon, de toute façon, il faut jouer des gros. Oui, à un moment, oui. Si tu veux gagner la compétition, à un moment, il faut bien taper au moins un gros, quoi. Donc, c'est sûr. Mais ce sera dans tous les cas un beau parcours si on arrive en demi-finale. Mais si c'est le cas et qu'on se tape Liverpool, au moins sortir par la grande porte. C'est ça. Donc, jeudi 11 et jeudi 18 pour les matchs. 21h à chaque fois. Il y a plus de 18h45 à partir des cas. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et enfin, la qualification aussi de Lyon. De Lille, pardon, pourquoi je dis Lyon. Lyon, ça fait quelques temps qu'on les voit. On est très loin. De Lille, avec déjà 3-0 à l'aller et 1-0. Non, 1 partout à l'aller. Non, 3-0 à l'aller, pardon, c'est ça. Et 1-1 au retour. Bon, qui a été. Qui s'est pas fait peur, qui a pas eu le temps de se faire peur, en tout cas. Et donc ça passe pour Lille qui aura quand même du boulot en quart, puisque. Ce sera Aston Villa, on le sait, on parle tous les week-ends, Aston Villa. Derrière les trois gros, c'est eux en fait. Hein, donc ça reste un gros adversaire pour Lille, hein, qui avait peut-être d'autres adversaires peut-être en vue, mais ce sera Aston Villa du coup. Ça va pas être simple, c'est sûr. Pour moi, c'est le plus gros morceau, je pense. Même si dernièrement, ça va un petit peu moins bien pour Aston Villa en championnat. Je regarde un petit peu les autres équipes, les autres affiches. Je pense que c'est le pire adversaire à créer en vrai. Oui, tu Pilsen, après. Peut-être la Fiorentina, mais ouais. Je me demande si Aston Villa, c'est peut-être pas au-dessus de la Fiorentina. Si, après, t'avais Olympiakos ou Fenerbahçe, il faut quand même aller jouer là-bas, c'est jamais simple. Ouais, c'est des ambiances particulières, c'est sûr aussi. Mais au niveau du niveau, ouais, c'est peut-être Aston Villa qui était le plus gros morceau dans ce qui restait, ouais, je pense. Ouais, ça aurait été parfait de taper un Pilsen, un PAO Salonique, un club Bruges. Oui, clairement, oui, ça aurait été mieux. Bon, après, ça fait une belle affiche et pourquoi pas passer l'obstacle. Hein. Tout est faisable, hein, de toute façon. Aston Villa, c'est pas Liverpool non plus, mais pour ça, pareil, à l'aller, faut pas prendre l'eau là-bas pour avoir un match retour de qualité. À Pierre-Mauroy et puis par contre là c'est à 18h45 les matchs. Oui, c'est ce que je voyais. Lille jouera à 21h et ensuite à 18h45. Oui, pour la Conference League, il y a encore des. Comme ça joue en même temps que l'Europa League du coup. Voilà. Peut-être pas mettre tous les matchs en même temps, ouais, forcément. Ouais. Ça fait trop mal. Donc ouais. Mais une belle affiche aussi, mais sur les trois clubs français au niveau des trois coupes d'Europe, je pense que c'est Lille qui s'en tire le moins bien quand même sur son tirage quoi. Et on aura un retour d'un joueur à Lille, Emiliano Martinez, qui sera de retour à Lille. Retour à Lille. Enfin, qui ira à Lille, en tout cas, qui retrouvera le club français. Hein, il va être bien reçu, je pense. Ah oui, je veux dire qu'il vient en France, quoi, tu veux dire. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, tu crois qu'il y aura. Il y a un peu de rancœur encore, je pense. Pas sur le fait de sur le match en lui-même, mais sur les réactions après match, tu vois. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est voilà. Vrai. Je pense c'est possible, ouais. C'est vrai que Lille, ils sont un peu spécialistes. Enfin, il y avait Eder qui était carrément chez eux à l'époque après l'Euro 2016. Oui. Celui qui avait marqué le Portugais en finale contre nous. Et là, t'as Martinez qui vient en France, là. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais Ouais, tu veux dire Martinez qui est d'ailleurs pas un si bon gardien que ça, hein, donc faudrait que Jonathan David il le mate un peu, tu vois. C'est il ça. Un petit triplé dans sa gueule. On verra ça. Donc je dis 11 aussi pour un match. Allez. À l'étranger, dans les championnats étrangers, juste avant de démarrer les matchs internationaux qui vont démarrer ce week-end. L'Argentine qui devra faire sans Lionel Messi, hein, qui est blessé aux ischio-jambiers, donc il participera pas aux deux matchs. Il y avait donc El Salvador et le Costa Rica au programme, et donc il ne sera pas prévu, enfin il ne sera pas présent. Il est encore blessé. Ouais, blessé. Il est sorti blessé lors de la victoire de son club en Ligue des Champions des États-Unis, et donc il ne sera pas présent. En Ligue des Champions des États-Unis. Oui. Les mecs, ils jouent que dans un seul pays, quoi. C'est ça. Oui, c'est la Ligue des Champions. La CONCACAF, non, c'est pas où. Oui, c'est ça. Oui, CONCACAF, ouais, c'est ça. Donc, il sera absent pour ce rassemblement de l'Argentine. Et Ronaldo, il est appelé, j'ai même pas vu, hein, avec le Portugal ou quoi, ouais. Ah, j'ai pas regardé, mais je pense que oui. Parce que je dis match amical Portugal-Suède. Bah, je pense que oui. J'ai pas vu. Bah, j'ai pas vérifié, mais je vois pas pourquoi. Faut à vérifier, mais je pense. En tout cas, il a marqué son 50e but déjà avec son club. Ouais. Déjà, c'est déjà énorme. Non, je sais pas s'il a été à vérifier. Je suis en train de regarder. Bon, je te laisse regarder et tu me redis ça. On reparlera après d'équipe de France dans un instant. Mais avant ça, donc pas de but aussi dans le direct. Hein. Tu nous tiens informé évidemment. 43e. Et c'est un match qui a pas l'air d'être fou, hein, j'ai l'impression. Bah du coup, j'ai pas trop les yeux dessus forcément. Ouais. On parle un peu de tout ça, mais. Ça n'a pas trop l'air, ouais. En tout cas, on a 30 secondes de la 45e, 0-0, Villefranche, Red Star. Et il va y avoir corner pour Villefranche, si je ne m'abuse, ouais. Très bien. Mais je ne trouve pas la liste du Portugal. C'est fou, ça. Ils l'ont donné, ça y est, quand même. Bah, c'est quoi ça? Ah, si. Si. Si, tu l'as trouvé, quand même. C'est peut-être les espoirs, ça, non? Je connais aucun nom, il est bien sélectionné, hein, Cristiano Ronaldo. Ouais. Ah, ça y est, je l'ai. Ah oui, bah, ça y est. Ouais, y a pas de, voilà. Pas de surprise. Donc l'Allemagne, la Bundesliga. Donc c'était la 26e journée. Il y a eu des gros scores, hein, pour démarrer le week-end. On a eu Leipzig qui a gagné à Cologne 5-1 déjà. Donc avec d'ailleurs un doublé d'Openda. Donc c'est Leipzig qui reste dans le top. Dans le top 5 et qui reste en course pour la Ligue des Champions. Hein. Alors, a priori, voilà, ces 5-là, on en parlera, mais les 5 qui sont dans le top 5. Ils sont bien détachés. Hein, les 5, ouais, voilà. Donc ça devrait se jouer. Un seul n'ira pas en Ligue des Champions. Hein. Bah, voilà, pour l'instant, c'est Leipzig qui est 5e, mais il reste encore des matchs. En tout cas, voilà, c'est bien lancé. Ils ont bien lancé le week-end. Et ensuite, on parlait d'ailleurs du Bayern, mais là aussi qui a presque fait la même chose, 5-2. Avec 4 buteurs différents, en plus Moussiala, Kane, Gnabry et Tell. Et tu le disais, ça va mieux, hein, pour le Bayern, hein, avec ses enchaînements de beaux résultats. Ouais, on a l'impression de vraiment retrouver le Bayern, qui enchaîne, ouais, les bons résultats. On n'a plus perdu depuis 5 matchs maintenant. La semaine dernière, c'était 8-1 contre Mayence, 5-2 à Darmstadt. Justement, c'était eux qui avaient mis 8-0, un truc comme ça, en début. Il me semble. 20 matchs en victoire, hein, pour Darmstadt, qui a gagné que 2 fois dans l'année, hein, dans la saison. Ouais. Ouais, ça, c'est compliqué. Ouais, 8-0, c'est ça. Au match aller. Mais en tout cas, gros match du Bayern, gros match de Musiala. Deux buts, une passe D. Oui, c'est ça. Gros match. Il était sur dans tous les bons coups, des petits dribbles, des petits gris-gris, des louches. Il a failli mettre un triplé en une petite balle piquée au-dessus du gardien, ça va sur la barre. Enfin, non, gros match de Musiala. 31e but d'Harry Kane aussi en championnat. Gnabry qui marque pour le deuxième match d'affilée. Lui qui avait pu marquer depuis je ne sais plus combien de temps. Un match complet du Bayern. Bon, il y a deux buts un petit peu anecdotiques côté Darmstadt, mais voilà, globalement un gros match du Bayern sérieux qui n'est pas suffisant bien sûr pour rattraper Leverkusen qui a encore gagné ce week-end, mais voilà, on va dire qu'il s'adjuge encore un peu plus cette deuxième place quoi, mais bon, c'est très bien que la première place là, c'est quasiment mission impossible de toute façon. Ouais, puisque le Bayern aussi est imposé encore à Fribourg cette fois, et encore on a parti de Chic encore qui a marqué. Chic, Wirtz aussi, Wirtz qui est indispensable aussi en tant que meneur de jeu dans l'entrejeu de Leverkusen aussi, donc encore un résultat positif pour eux. Plus grand chose à dire au final, on les encense tout le temps, donc encore un très bon résultat de Leverkusen qui continue à nous surprendre, et voilà, la seule question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils vont terminer invaincus cette saison, en tout cas en championnat. Coupe d'Europe, c'est compliqué, mais en championnat, il reste 7 matchs. Après, tu peux terminer invaincu en Coupe d'Europe, hein, si tu perds aucun match, mais que tu vas au tir au but. Oui, ça compte. C'était éliminé, mais ça compte pas comme une défaite. Quoi. C'est ça, il faut aller au tir au but. Et donc en championnat, il reste encore 7 matchs pour le Bayern. Je vérifie juste un petit peu le calendrier qui reste hein, pour voir s'il y a des il y a du très lourd à venir. Il y a Stuttgart qui sera globalement que Stuttgart qui est dans le top 5. Ah si, il y a Dortmund aussi. Donc il y a quand même ces deux-là à jouer dans la fin de championnat, donc à voir. En tout cas, reste devant avec 10 points. Stuttgart justement a gagné 3-0 aussi à Hoffenheim. Donc reste accroché à ce podium. Et puis Dortmund aussi, on en parlait, qui a enchaîné après son succès en Ligue des Champions, gagne 3-1 et reste donc quatrième. Donc le Bayern, Leverkusen 70 points, le Bayern 60 points, Stuttgart ensuite troisième 56 points, Dortmund 50 et Leipzig 49. Et on l'a dit, un petit trou ensuite puisque Francfort est à 40 points. Donc on connaît a priori le top 5 et puis presque le top 6. Hein, Augsbourg a 35 points, un petit peu de retard aussi. Et en bas, Darmstadt, Cologne et pour l'instant le barragiste Mayence qui peut encore croire au maintien. Voilà pour le championnat et cette semaine on a des affiches peut-être qui nous attendent en Bundesliga. Ah ben on a le classiqueur, j'ai pas trop l'accent. On a Bayern contre Dortmund. Le classico allemand, Bayern Dortmund. Alors je sais pas c'est quel jour exactement, je sais pas si c'est samedi ou dimanche. J'ai pas la date exacte. Mais en tout cas on a Bayern Dortmund. Sinon on va dire que c'est le seul gros match notable. C'est samedi samedi prochain, oui, pardon. Samedi à 18h30, ouais. Oui, ce sera pas là. Ce sera le week-end suivant, mais oui, c'est toute la prochaine journée, ouais. Mais oui, ce sera la trêve du coup pour ce championnat également. Et puis on aura ensuite début avril, il y aura aussi les demi-finales de la coupe et donc toujours, on a dit Leverkusen aussi qui est encore engagé, hein, donc il y a encore ce match-là à jouer aussi pour eux, donc beaucoup de matchs à venir pour Leverkusen. On va du côté de l'Italie avec la 29e journée en Serie A. Où ça n'a pas bougé hein, globalement dans le classement. Avec la victoire de la Lazio qui a gagné 3 buts à 2. Bon, qui reste encore très très loin. Pas de la Ligue des Champions, pas de l'Europe, mais de la Ligue des Champions en tout cas, c'est sûr. Et qui a gagné 3-2 donc du côté de Frosinone. Donc pour la Lazio, on a Lazio qui vient d'annoncer son nouveau coach aujourd'hui. D'accord. Alors j'ai pas suivi non. Et qui n'est autre que quelqu'un qu'on connaît très bien, que je connais très bien, et qui va retrouver d'ailleurs Matteo Guendouzi, c'est Igor Tudor. Ah oui, d'accord. Voilà, qui arrive aujourd'hui. Enfin, c'est officiel depuis ce lundi, qui donc arrive, qui succède à Maurizio Sarri. Et voilà, Tudor qui donc arrive à la Lazio donc pour le prochain match après la trêve, Tudor sera sur le banc de la Lazio. Ah direct, ça s'enchaîne direct, ok. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah voilà pour la Lazio. La Juve encore match nul et vierge. Voilà, c'est terne pour la Juve qui fait 0-0. Avec le retour de Rabiot notamment avec le avec la Juve, mais bah encore un match. Ça fait quelques matchs où c'est voilà c'est moins bon pour la Juve hein, qui enchaîne un autre match nul encore après la semaine dernière déjà. C'est un petit peu moins bon en ce moment. Bon, en fait, j'ai l'impression que les lundis se suivent et se ressemblent quand on parle de la Juve. Ouais. C'est... Depuis 5 week-ends. Bon, oui, mais... Ouais, bah, en fait, non, bah, il y a toujours des fois où ils font un bon match, mais le match d'après, ils retombent dans leur travers, et puis c'est mitigé, c'est moyen, puis bah, ça fait un vieux 0-0 comme là, donc, et ils perdent encore des points, quoi. Donc, bah, une seule victoire sur les 8 derniers matchs, quand même, c'est. C'est pas énorme, hein, ça se déçu. Hein. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, c'est pas beaucoup, donc. Bon, il reste sur le podium. Ouais, il reste sur le podium, bien sûr, mais voilà, Milan, enfin, ça permet à Milan de reprendre la deuxième place, hein, et d'avoir 3 points d'avance, du coup, maintenant, sur eux. Donc voilà, après, je pense que oui, là, à part vraiment gros faux bon, la Juventus sera en Ligue des Champions l'année prochaine, mais faut quand même essayer de remobiliser un petit peu tout le monde, et puis de ne plus perdre de points, on va dire, bêtement comme ça, à domicile. Et puis voilà, parce qu'en plus ils ont reçu pas mal de cartons, hein, combien 4 cartons jaunes, donc ça fait un rouge pour Blaovic qu'on a pris 2. Il y a ça aussi, mais la Juve, ouais, faut être un peu plus sérieux et plus cohérent en tout cas dans ce qu'ils proposent chaque week-end, quoi. Mais contrairement à Milan qui renchaîne un petit peu là en ce moment. Bah justement, ouais, le Milan qui du coup a enchaîné avec cette victoire. Je l'ai plus le match, je l'avais là. C'était samedi. Hier, pardon, victoire à Vérone 3-1 avec Hernandez notamment qui a été buteur et du coup bah qui reste le deuxième avec cette victoire. Et qui enchaîne, bah là, c'est une belle série hein, pour le Milan, hein, avec 5 victoires consécutives en championnat, donc belle série, et du coup, il reste bah, bien accroché à cette deuxième place, les Milanais. C'est ça, ouais, non, mais ils ont fait plutôt un bon match, il y a eu des occasions aussi côté Vérone, qui a d'ailleurs marqué après leurs 2 jeux, mais globalement, voilà, ils ont maîtrisé leur match, et puis comme tu dis, ils enchaînent, ils sont sur une bonne série. Et puis voilà, les faux pas, encore une fois, de la Juve et ces points qui sont pas pris par la vieille dame, ça leur permet voilà de s'installer confortablement, on va dire, sur cette deuxième place du podium. Et voilà, mais encore très très loin de leur voisin interiste. Combien? 14 points? Ouais, 14 points. Ouais, c'est ça. 14 points de retard, ouais. C'est ça. La Roma reste aussi accrochée à l'Europe avec cette victoire face à Sassuolo 1-0. Voilà, Pellegrini qui a été le buteur, donc ça permet à la Roma de toujours espérer même à la Ligue des Champions, hein, qui a 3 points, donc rien n'est joué en haut. Et 14 points pour l'Inter d'avance, puisque l'Inter n'a pas réussi à gagner face à Naples. Mais bon, voilà, qu'importe pour l'Inter. En tout cas, il n'y a plus de grand chose à jouer pour l'Inter. On le disait, il n'y a plus que ça, et ils sont quasiment. C'est quasiment fait d'ailleurs, donc. Un partout, c'est surtout pour Naples hein, qui ce point peut raconter puisque du coup ils peuvent encore espérer remonter tranquillement sur les places d'Europe. Donc pour Naples c'est plutôt un bon résultat hein, quand même. Ouais bah oui après j'ai pas vu le match mais il y avait peut-être un petit peu de fatigue aussi des deux côtés hein, après leur semaine un petit peu agitée. Oui. L'un face au Barça, l'autre face à l'Atlético. Les deux qui sont fait sortir d'ailleurs, mais ouais l'Inter. Bon de toute façon oui. Alors du coup ils vont plus trop avoir besoin de faire tourner maintenant puisqu'il n'y a plus la Ligue des Champions pour l'Inter. Voilà comment ça va se faire. Enfin, comment ça va se faire cette fin de saison à l'Inter. Je sais pas trop. Est-ce qu'ils vont continuer un petit peu à jouer le tout pour le tout en championnat pour essayer de je sais pas d'aller chercher peut-être un record. Je sais pas si c'est un record à aller chercher. Mais voilà en tout cas comme tu dis c'est un bon point oui pour Naples forcément. Dans leur course à l'Europe, qui peuvent toujours espérer en tout cas au moins la Conference League et pourquoi pas l'Europa League. Parce que voilà, après la Ligue des Champions, c'est, je pense que c'est idyllique hein, d'aller essayer de chercher la Ligue des Champions. Ouais. Oui, je pense que c'est trop loin. Ouais. Mais Mais ouais, c'est sûr que c'est un bon point. Enfin, c'est un bon point pris par Naples face forcément à l'ogre qu'est l'Inter. Donc, c'est sûr que c'est un bon point. Ouais. Et puis, on avait un match qui n'a pas eu, qui a pas eu lieu, c'est Bergame-Fiorentina, match qui a été reporté. Puisqu'en fait, on a eu le directeur général de la Fiorentina qui a été victime d'un arrêt cardiaque avant le match, hein, dans l'hôtel, dans son hôtel, et du coup, le match qui a été reporté. Donc, il est hospitalisé actuellement. Donc, voilà, le match qui sera reporté ultérieurement. Donc, pour l'instant, eh bien, on a Bergame qui a un match de retard et qui, malgré ce match de retard, eh bien, est sixième. Pour l'instant, on a donc l'Inter, on l'a dit, en tête, 76 points, le Milan AC, 62 points, la Juve 59, le Bologne 54, la Roma 51, Bergame pour l'instant à 47 points et Naples 45, la Lazio un peu plus loin à 43 points. Alors qu'en bas, c'est l'Internat, ça va être bientôt terminé et après c'est assez serré, Sassuolo, Frosinone, Empoli, même Cagliari, Vérone, ça c'est très serré pour aller chercher le maintien, donc il y a encore des enjeux pour toutes ces équipes. Bon, au retour de la trêve, peut-être des matchs intéressants à venir. Lazio Juve, par exemple. Ouais, Lazio Juve, ouais, forcément, ça peut être un match intéressant. Pour les deux équipes, ça reste important. Il y a. Naples-Bergame. Ouais, Naples-Atalanta, ouais, c'est, oui, bien sûr, pour la course à l'Europe. Et puis peut-être un Fiorentina AC Milan qu'on peut suivre aussi du coin de l'œil, on va dire, voilà, les trois petites affiches sympas qu'on pourra suivre au retour de la trêve. Ouais, c'est ouais, Naples-Atalanta, ouais, ça peut être intéressant, ouais. Et là-dessus Juve aussi, ouais. Allez, l'Espagne maintenant avec la 29e journée. Revenons sur la victoire du Real d'abord à Osasuna, 4-2, voilà, ça enchaîne pour le Real, donc qui repousse, on en parlera, donc Gérone à 10 points et le Barça ensuite qui est revenu à 8 points, mais voilà, l'essentiel est fait, hein, pour le Real. Ah oui, bah puis ils ont fait leur match, ils ont fait un gros match, ils ont rassuré, Vinicius a été très bon, Brahim Diaz a été bon, enfin voilà, la plupart des cadres ont été bons, donc non, gros match sérieux du Real, il a failli avoir quasiment le but de la saison aussi à la 90+3. Avec le jeune milieu turc Arda Güler qui a tenté un lob presque à la ligne médiane, mais peut-être un peu moins loin, mais qui a tenté un lob sur le gardien, ça a fini sur la barre. Il risque d'avoir un magnifique but comme ça, le cinquième du Real. Mais bon, voilà, ça fait 4-2 pour le Real qui sont maintenant à 10 longueurs d'avance sur Gérone, et puis 8 sur le Barça. Voilà, on s'est quasiment fait depuis quelques matchs, on va dire, de le Real, qui reste en tout cas très sérieux quand même, mine de rien, en championnat. Et même après, avoir joué en Ligue des Champions, c'était la semaine d'avant, mais ça reste très sérieux en championnat. Et ouais, voilà, victoire logique, hein, de toute manière. Osasuna a quand même marqué deux buts, qui n'a pas été ridicule non plus, mais la Real, c'est bien trop supérieur. Et en tout cas, ils ont fait un très bon match. Et Gérone, du coup, bah oui, qui a dit longueur, parce que Gérone a perdu à Retafé. Voilà, qui est, voilà, c'est pour Jérôme, maintenant l'essentiel ça va être de rester dans cette Ligue des Champions, hein. Ils ont encore un petit peu d'avance, mais attention de pas complètement tout perdre d'ici la fin de saison. Ouais, parce que ça fait quand même quelques semaines que c'est un petit peu ralenti, ça y est. Ouais. C'est la période un petit peu creuse qu'on redoutait, ouais. Qu'on redoutait, voilà, c'est ça. À voir si quand même dans le dernier sprint final ils vont essayer de remonter un petit peu la pente et comme tu dis, ouais, pour essayer de ne pas tout perdre et de ne pas gâcher un petit peu cette belle saison jusque là. Ouais, je vais vérifier un petit peu le calendrier. Ils vont jouer l'Atlético Madrid, hein, qui est concurrent direct. Concurrent direct, ouais. Il n'y aura pas Bilbao, mais il y aura quand même Madrid et il y aura le Barça aussi, donc il y a des gros matchs à venir et attention de ne pas tout perdre, hein, d'ici là. Bon, ouais, ça va être compliqué, ouais. Ouais. Et puis donc enfin le Barça qui se déplaçait à Madrid hier 3-0, hein, y a pas eu de détails pour le Barça, hein, toujours compliqué pour Madrid, hein, ces affiches face au Barça, et ça leur réussit très peu, hein, et ouais. 3-0, ouais. Ouais, 3-0, ouais. Je trouve que le score est assez sévère par rapport, on va dire, au match. Bon, après, voilà, le Barça a été beaucoup plus tranchant et réaliste dans le dernier geste, hein. Donc, ça, évidemment, il n'y a rien à retirer à ça. Mais au-delà de ça, voilà, l'Atlético aurait mérité de marquer au moins une ou deux fois. Voilà, 3-0, c'est un petit peu sévère. Après, c'est mérité. L'Atlético qui a peut-être forcément laissé beaucoup de jus aussi en Ligue des Champions la semaine dernière. Voilà, Griezmann a commencé sur le banc, il est rentré pour les 20. Non, même pas, il est rentré à la mi-temps. Ouais. Pas à la mi-temps, ouais. Non, je pensais qu'il était rentré plus tard que ça. Mais voilà. Bon, et puis ouais, je te dis, je pense qu'ils ont perdu forcément du jus aussi. Tu joues 120 minutes à très haute intensité jusqu'au tir au but en 8e de finale de Ligue des Champions. Forcément que ça laisse des traces. Et puis surtout quand t'as un gros match après contre le Barça. Voilà, Barça qui avait aussi joué en Ligue des Champions la semaine dernière, mais que 90 minutes et puis dans un match peut-être un peu plus calme, on va dire. Mais voilà, ça reste une victoire méritée, logique pour le Barça, qui ouais donc se rempart de cette deuxième place et qui reste, enfin qui est maintenant à 8 points du Real et qui va peut-être essayer maintenant de rester sur cette bonne dynamique avant les quarts de finale contre le PSG et puis essayer de garder cette deuxième place aussi. Mais en tout cas, match sérieux du Barça avec encore une fois Joao Félix qui marque contre ce l'Atlético qui, parce qu'il appartient toujours à l'Atlético, hein, Félix. Oui, c'est vrai. Il est prêté. Et puis aussi Fermín López, que le petit jeune de 20 ans, le milieu de terrain de 20 ans, qui a marqué encore une fois après le match contre Naples également mardi dernier. C'est ça, donc 3-0 pour le Barça. Et puis du coup, Griezmann qui est rentré et qui est blessé maintenant désormais, hein, et qui va manquer le match de l'équipe de France. Hein. Ça y est, c'est officiel. C'était pas arrivé depuis 7 ans. Ouais, incroyable, ouais, incroyable cette série, une série de 84 matchs consécutifs. Sûrement, j'ai pas le nombre exact, mais ça doit être ça, ouais, un truc comme ça. Il y a 84 matchs consécutifs, hein. Et malheureusement, la série s'arrête. Voilà, il est peut-être rentré un peu trop tôt. Enfin, il devait pas jouer du tout, hein, face au Barça et voilà, bah, il était rentré quand même à la mi-temps pour essayer d'inverser un peu la tendance et peut-être ça a été le coup de trop pour Griezmann qui est quand même allé à Clairefontaine. Voilà, la décision a été vite prise avec le staff médical et va se reposer. Il était déjà revenu un peu tôt, on le disait, face à l'Inter, puisqu'il devait avoir 6 semaines de départ de repos. Il est revenu au bout de 3, donc bon, c'était peut-être un peu trop tôt pour Griezmann. Même bon, on comprend que c'est sûr, face à l'Inter, il avait envie de revenir. Et peut-être sans son retour, peut-être l'Atlético serait pas là. Bah, en tout cas, en espérant que ça lui portera pas préjudice pour les prochaines semaines, pour l'Euro, tout ça aussi, parce que t'as vite fait là de rechuter là, et puis après, bon, il va reprendre, et puis est-ce qu'il sera bien remis, bien remis en forme, est-ce qu'il va pas replonger, on sait jamais, en toute fin de saison. Ça, des fois, ça peut aussi, ça prend trop tôt, ouais, ça peut arriver. 2-0 pour le Red Star. J'ai loupé le premier but, désolé. Et Red Star qui vient de marquer le deuxième but, donc. Face à Villefranche, voilà, sur un coup franc, il y a une belle tête juste devant le but. Et ça fait 2-0 pour le Red Star, du coup, face à Villefranche. Bon, logique, hein, le leader qui confirme pour l'instant. Donc voilà, donc Griezmann, donc forfait, ce sera Matteo Guendouzi qui arrivera à remplacer Antoine Griezmann. Même si, d'après ce que disait Deschamps, c'est pas tout à fait le même poste. Parce que j'allais dire, c'est pas le même type de joueur du tout. Mais non, mais il n'y a pas vraiment de. C'est ce que disait Deschamps, il n'y a pas de. Ah, bah, il n'y a pas de remplaçant à Griezmann, ça c'est sûr. Voilà, il n'y a pas deux joueurs comme lui, donc il sera malheureusement absent pour ces deux matchs-là, face à l'Allemagne et face au Chili. Chili, ouais. C'est ça, hein. Oui. Voilà pour. Donc ces infos là. Pour le classement en Espagne, on a le Real. Donc toujours leader. Si ça s'affiche, le classement n'affiche pas, c'est pas le classement, mais le classement ne veut pas s'afficher. 72 points pour le Real, 64 pour le Barça, 62 pour Gironne, 56 pour le Bilbao, 55 pour Madrid et puis après c'est très loin, le Real Sociedad 46 et en bas Almeria qu'a gagné. On n'a pas dit ça. Ils ont gagné, j'ai pas vu. Eh oui. Alors, la semaine dernière, on avait suivi leur match, ils ont fini par faire match nul. Ouais, bah oui, ouais, du coup, ouais. Alors qu'ils menaient, je sais plus, ils menaient, hein, ils menaient, en tout cas, ils ont fait 2-2. 1-0, ouais, je crois, ouais. C'est ça. Et même 2-1. Il menait 1-0, il perdait 2-1, non? Oui, il gagnait 2-1 après. Il gagnait 2-1. T'es sûr? Bah, faut vérifier, mais je crois que c'était ça. Il me semble avoir regardé la fin, avoir suivi la fin du match. Et je crois que il y avait 2-1 pour Séville. Il y avait 2-1 pour Séville. Et ils ont égalisé à 90+5. 90+5, ils ont égalisé. Ah oui, voilà, ils ont évité une nouvelle défaite. Ouais. Mais cette semaine, ils ont gagné à Las Palmas 1-0. Et donc. On va sortir la bouteille, hein. Donc il n'y aura pas de grand chelem pour Almeria. Bon, on est en même temps, je suis content pour eux, mais en même temps, j'aurais bien aimé. Ouais, j'aurais bien voulu un grand chelem, moi. Voilà. Et donc, du coup, 13 points, Grenade 14 points. Cadix 22 points, voilà, pour l'instant les derniers. Le sort est un peu scellé pour Almeria et Grenade quand même. Ouais, ça va être très compliqué. Ouais. Mais Grenade qui a un match de retard, Grenade par contre. Oui. Ils ont 28 matchs. Il faut le gagner quoi. Oui. C'est toujours pareil, c'est bien d'avoir un match de retard, mais il faut les gagner quoi. J'ai l'impression, c'est bon, on a des matchs de retard, oui, mais on a l'impression que c'est déjà gagné d'avance. Ah, c'est rassurant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est psychologique, c'est mais bon, faut encore le gagner. On finit avec l'Angleterre. On n'a pas dit qu'il y avait des affiches. Ah, pardon, oui, je te laisse regarder. J'ai oublié. Il n'y a pas d'affiche après la trêve. Il n'y a pas de match du tout, en fait. Y a rien. En fait, ils arrêtent le championnat. Ils arrêtent. C'est fini, on s'arrête. Almeria a gagné, donc ils arrêtent. Ils ont dit ça. Non, il y aura un petit Real Madrid Bilbao qui peut être sympa. Ah oui. Bilbao qui est toujours en course pour la Ligue des Champions. Pour la Coupe d'Europe. Et puis, globalement, il y aura que ça. Très bien. Intéressant, on va dire. Le championnat anglais, rapidement, juste deux résultats. Défaite de Tottenham à Fulham. 3-0. Un mauvais résultat pour Tottenham, évidemment pour l'Europe, hein. Pour Fulham, bon bah voilà, il n'y a plus grand chose à jouer, hein. Et puis on peut aussi donner le match nul entre je sais plus, je l'avais là, le match il est encore disparu, West Ham et Aston Villa, voilà, merci, ouais, ce match nul là, dans cette rencontre entre West Ham et Aston Villa, et du coup Aston Villa reste pour le moment quatrième et accroché à la Ligue des Champions, même si Tottenham a encore un match de retard à jouer. Faut encore le gagner. Exactement. Et pour West Ham, voilà, ils peuvent encore croire aussi à mieux. Il y a un petit peu d'écart, mais avec United, mais ils peuvent encore espérer des choses. Voilà, donc c'était les matchs donc du week-end en championnat, puisqu'il y avait aussi la Cup, évidemment, donc il y avait très peu de matchs en championnat. Et dans cette cup, on va évidemment revenir sur ce match dans l'histoire hier entre United et Liverpool. Avant ça, juste qualification de City donc face à Newcastle 2-0. Assez logique, qui a maîtrisé son sujet, City. Donc il se qualifie grâce à Silva, hein, avec son doublé. Il a eu quand même un peu de réussite sur ses frappes qui étaient déviées à chaque fois, mais qui était toujours là, encore une fois, au bon endroit, au bon moment, et puis qui a su quand même délivrer cette équipe de City. Donc un grand Bernardo Silva quand même sur ce match-là. Et à noter, City, qui est un peu un spécialiste de la Cup, puisque sixième demi-finale de suite dans cette compétition. Donc ils sont vraiment habitués au dernier carré. Qualification de Chelsea aussi, 4-2 face à Leicester. Alors ça n'a pas été simple quand même pour Chelsea, hein, qui menait 2-1 et qui s'est vu rejoindre 2-2, et puis ensuite ça s'est joué en fait dans le temps additionnel, hein, de cette rencontre. Donc Leicester avait pris un rouge à la 73e aussi. Ouais, c'est un peu craqué dans le temps additionnel, mais voilà, ils ont pu s'éviter une prolongation dans cette rencontre, parce que on rejoue pas des matchs, hein, à partir des quarts de finale, hein. On a bien des prolongations, hein, à la différence des matchs d'avant où on rejoue un match s'il y a un match nul, mais pas là, hein. Donc là ils se sont évités une prolongation. Et juste à noter la petite bourde de Disasi, hein, pour l'égalisation de Leicester. Je sais pas si tu as vu ce bugage. Je crois pas que je l'ai vu, non. Ah bah je t'invite à le regarder, c'est très rare un but comme ça. Bah, ah ouais, tu pourras aller acheter un. Je vais essayer de regarder vite fait là, tant que. Donc voilà, 80... ouais. Non, rien. 92-98, donc voilà, Chelsea se qualifie aussi, donc qui rejoint City. Et puis on a un petit poussé qui sera au rendez-vous des demi-finales, ça sera Coventry, qui a battu Wolverhampton 3-2. Alors il y aura entre City, Chelsea, United et Coventry, ça fait un petit peu bizarre, mais voilà, ils seront un petit poussé de ces quarts de finale, de ces demi-finales. Il est magnifique, le but de Zidane. Il est magnifique, hein. Un vrai jeu d'attaquant. C'est dommage, c'est pas le bon côté, quoi. C'est dommage, hein. Bah ouais, c'est ça joue à rien. Bon, en même temps, le gardien serait peut-être pas autant décalé si c'était le bon côté, quoi. Oui. Mais beau but. Beau but, hein. Donc Coventry qualifié qui a sorti. Donc Coventry, c'est une équipe de deuxième division, hein, que je sais plus comment, la Championship. Ouais, Championship. Ouais. C'est ça. Qui a sorti donc Wolverhampton Première Ligue. Donc 3-2. Et là aussi, pareil, pour c'était un gros match, hein, dans cette rencontre. 53e Coventry, 84 Wolverhampton égalise, 88 Wolverhampton qui croit peut-être s'imposer, et puis 97 égalisation Coventry, 80 et 100e minute. Eh bien, égalisation. Donc, dans le temps additionnel, hein, on est à 100e minute, hein, pas dans la prolongation. Hein. Donc, gros scénario aussi à Coventry, à Wolverhampton. Et enfin, le gros match, c'était United-Liverpool, un choc toujours apprécié, hein, en Angleterre. Et que dire de ce match, hein, un chef-d'œuvre. Hein. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'occasions, beaucoup de manqués, et un scénario fou, hein, où United se qualifie au bout du bout, hein. Là c'est clair, on peut le dire. Je regarde en boucle le but de Dizazi, je me demande vraiment pourquoi il tape aussi fort. C'est fou. Pourquoi il tape aussi fort aussi loin, et je me demandais s'il était, il est quand même gêné, je pense, par l'attaquant qui arrive sur lui et qui le pousse un peu au moment de sa passe où il touche le ballon, mais quand même, pourquoi il tape aussi fort, et enfin bon, bref, c'est beau, ouais. United Liverpool, ouais, excellent match, très très gros match, plaisant, ouvert de part et d'autre, de l'intensité quasiment tout le temps. United a vraiment fait une première demi-heure, on va dire, voire un peu plus, quasiment à sens unique. Liverpool a eu quelques occasions en début de match, mais ça n'empêche pas Liverpool d'égaliser à la 44e minute par McAllister, et puis de gagner carrément en allant au vestiaire avec à la 45e plus 2 un but de Salah. Et puis Anthony en fin de match à la 87e, pardon, qui égalise pour United. Ça fait 2-2, donc à la fin du temps réglementaire, et puis donc aux prolongations, Liverpool reprend l'avantage par Elliott sur 5e, et puis ensuite Rashford qui a fait un gros match aussi, même s'il a eu pas mal de loupés aussi, mais qui va marquer enfin son but pour le 3-3 à la 113e, et puis à la 120e, à toute fin de match, c'est un dernier contre, but de Amad Diallo. Qui prend rouge d'ailleurs après avoir enlevé son maillot après ce but-là, parce qu'il avait déjà un jaune. Mais bon, c'est anecdotique, mais enfin, il sera quand même suspendu pour le match d'après au cas où. Pour une finale, mais. Du coup. Après, c'est pas titulaire à 100%, mais quand on l'a vu rentrer, il a quand même apporté du 109 et il a été bon, je trouve. En tout cas, ouais, non, énorme match, plaisant. Et puis, ouais, comme tu dis, c'est un classique, hein. United-Liverpool en Angleterre, c'est des équipes qui s'aiment vraiment pas. Donc, c'était un gros match, très plaisant, voilà, pas grand chose à dire. Dommage pour Klopp. Le quadruplé, ça sera pas pour cette année. Ouais, quadruplé, ouais, mais voilà, en espérant qu'il perde pas tout non plus, s'il avait au moins pu aller chercher la Cup, ça aurait été pas mal. En plus, je veux dire, parce que là, oui, il a gagné la Coupe de la Ligue, ouais. La Ligue Cup, hein, oui. Mais bon, le championnat, ils sont trois dans la course, donc ils peuvent très bien ne pas gagner. Ah oui, bien sûr. Et puis en Europa League, c'est pareil aussi. Mais... Ouais, mais c'est pour ça, surtout en Première Ligue, c'est toujours compliqué quand même de faire. À part City l'année dernière, mais parce que City, c'est quand même assez exceptionnel depuis des années, mais Liverpool, je pense pas qu'il. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça va être compliqué d'aller chercher l'Europa League et la Première Ligue quand même, surtout quand t'as City et Arsenal en face aussi. Bon, même si eux jouent la Ligue des Champions aussi, hein, donc ils sont un peu tous dans le même cas de figure. Mais bon, c'est quand même dommage pour Liverpool, mais United sur ce match-là a été très bon aussi, donc c'est largement mérité pour Manu. Ouais, c'est ça, et ça continue pour United. et qui affrontera Coventry. Et puis City Chelsea, belle affiche aussi. Donc 20 avril et les matchs seront à Wembley, les deux rencontres pour cette demi-finale de la Cup. Les deux? Oui. Ah oui, d'accord, parce que les calendriers sont encore définis parce que c'est marqué 20 avril 20h. En même temps, tu, en même temps tu te débrouilles. Il y a 44 joueurs sur la pelouse en fait, mais tu te démerdes. C'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, ce sera pas exact, mais autour du 20 avril a priori, l'un après l'autre en fait. Hein. Ce sera. Oui. Voilà pour l'Angleterre. Tiens, une info en première ligue qui concerne Nottingham Forest, qui a été sanctionné d'un retard de 4 points après avoir enfreint les règles financières de première ligue, comme ça avait été le cas pour Everton. Donc 4 points de moins pour Nottingham Forest, qui fait que Nottingham Forest est relégable hein, avec ce retrait et qui passe 18e avec 21 points. Voilà, ça fait mal pour Nottingham Forest qui va devoir se battre, s'arracher pour essayer de se maintenir. Voilà pour l'Angleterre. Putain, le week-end de reprise, on aura un City Arsenal, ça y est, il est là. Ah, ça y est, ouais. Ça va être incroyable. Hein, et peut-être que Liverpool pourra en profiter. Hein. Ça va dépendre évidemment de ce qui va se passer. Un match nul pourrait peut-être arranger Liverpool, évidemment. Mais ça va être en tout cas une sacrée affiche. Ce sera le 31 mars. Hein. Dimanche 31 mars à 17h30. Donc belle affiche qui nous attend. Et puis Liverpool de son côté et recevra Brighton. Voilà pour les affiches de la 30e journée. Voilà pour le week-end européen. Juste une info en Turquie. Je sais pas si tu as vu cette info. Les supporters, tout ça. Voilà, les incidents à Trabzonspor les supporters de Trabzonspor qui sont venus agresser les joueurs du Fenerbahçe. Une info qui est arrivée en fin de soirée tout à l'heure. Fenerbahçe qui envisage un retrait du championnat turc carrément. Une décision qui sera prise le 2 avril prochain lors d'une assemblée générale du club. Et qui jouerait où alors? Qui jouerait plus dans la saison, à mon avis. Hein. Un retrait pour cette saison, Oui, je pense qu'après il reviendrait, hein, mais en tout cas, il jouerait plus dans la saison. Donc ça peut être une décision historique que prendrait le club. Donc le derby. Il y avait des armes blanches et tout ça là. Ouais, c'est ça. Ouais, incroyable. Il y a eu pas mal de trucs comme ça depuis le début de saison en Turquie là. C'est assez inquiétant ce qui se passe là-bas. Ouais, c'est très inquiétant au championnat turc depuis le début de la saison. Il se passe beaucoup de choses. On va terminer nous avec le championnat de France. Les championnats de France, un mot national, donc ça continue, ça toujours 2-0 hein, pour le Red Star. Toujours 2-0 pour le Red Star. On joue la 64e minute de jeu. Et pour l'instant, c'est Villefranche qui est en attaque à la possession du ballon, mais toujours 2-0 pour le Red Star. Ok, très bien. Donc le SO a perdu à Nancy, c'était un match au tableau en fait, hein, quand même. Et c'est Nancy qui s'impose 1-0, donc Nancy reste à 4e avec 39 points, peut encore espérer aller chercher mieux. Orléans chute à la 7e place avec 36 points. Bon voilà, il y a pas grand chose à dire dans cette rencontre 1-0. Tiens, une info qui concerne Versailles, hein, là aussi qui est en national, hein, qui est pour le moment 10e du championnat. Pierre Gasly qui devient co-actionnaire de Versailles, le pilote de Formule 1. D'accord. Qui est entre capital du club, hein, voilà, donc pour cette info de national. Puis une autre info un petit peu plus insolite, parce que tu as vu hein, le community manager de Châteauroux qui a remplacé l'arbitre de la rencontre entre Châteauroux et le Gol FC. Alors que l'assistant s'était blessé, eh bien c'est le community manager qui a remplacé l'arbitre assistant, lui qui avait eu la formation d'arbitre. Donc alors ça, je trouve, tu vois, je suis bien un peu l'histoire de loin comme ça, enfin je l'ai vu passer, mais t'as quand même le droit de faire ça parce que c'est quand même un mec de Châteauroux. En fait, y a pas vraiment le choix. Y a pas le choix, c'est sûr, mais dans ce cas-là, on remet le match, quoi. Enfin, c'est triste, mais parce que il peut avantager plus Châteauroux que le Gol FC, tu vois. Donc, après, c'est à un autre niveau, mais dans le championnat de district, tous les week-ends, c'est des bénévoles du club qui le font. Bon, après, c'est à un autre niveau, évidemment. C'est pas, c'est pas des officiels, quoi, oui, forcément. Donc, mais bah oui, comme tu dis, c'est un autre niveau, c'est pas comparable, mais. Mais oui, c'est fou, oui. Mais en tout cas, oui. Il y a pas de remplaçant, ça, c'est fou quand même. Pas national, ouais, non. Je crois que ça passait de la Ligue 2, il y a un quatrième arbitre, enfin un arbitre remplaçant, ouais. Ouais. Donc ouais, insolite cette ligue. Ouais, c'est une image un petit peu. Enfin, c'est marrant. Enfin, ouais. C'est insolite, ouais. Ouais, c'est ça. Donc le classement, toujours le Red Star pour l'instant, 4 victoires serait à 54 points, New York 47, Marty 43 pour l'instant. En Ligue 2, l'OCR reste installé en tête avec sa victoire 2 en face à Caen. Donc reste leader avec 5 points d'avance sur Angers. De son côté, qui a à nouveau perdu en face à Amiens. Donc il perd des points précieux et il voit Saint-Étienne revenir à 2 points seulement. Puisque les Stéphanois, de leur côté, ont gagné 4-0 à Bastia. Donc ça rejoint tranquillement Angers. Laval, 48 points aussi. Donc ils sont aussi dans la course. Après, Rodez avec 43 points et un peu plus loin. Mais voilà, il y aura a priori... Auxerre qui devrait rester, on l'espère, premier, puis ensuite, avec la troisième place de barragiste, il y aura un duel entre Laval et Saint-Étienne. Et puis en bas, Laval, ils ont perdu contre Dunkerque, c'est ça? Laval, ils ont perdu contre Dunkerque. Oui, c'est ça, 2-1, oui, exactement. Parce que j'avais une stat aujourd'hui ou hier, je sais plus, de Dunkerque qui est invaincu en 2024. Et Dunkerque, on en a parlé un petit peu ensemble il y a quelques mois, parce qu'ils ont joué contre le Chambon FC, le club de ma ville, en Coupe de France. Et du coup, à l'époque, je disais que voilà, d'ailleurs, on avait perdu que 1-0 contre eux. Donc le Chambon FC qui joue en R1, je le rappelle, hein, donc 6e division. Et Dunkerque qui était dernier ou avant-dernier, et puis qui, voilà, ça n'allait vraiment pas. Mais là, j'ai vu que du coup, comme je ne suis pas trop la Ligue 2, pour être honnête, ils sont invaincus là en 2024, Dunkerque. Donc voilà, je voulais juste. Oui, c'est vrai. Et sur les 11 matchs de l'année, il y a eu 8 victoires et 3 nuls. Ouais, voilà. Donc, ils ont perdu en Coupe de France, mais c'est vrai qu'en championnat, ils sont invaincus. Et du coup, ils sont 14e. Donc, il y a encore pas mal de matchs, mais ils ont fait un gros. Ils avaient fait un très mauvais début de saison. Ouais. Jusqu'à la trêve. Et puis, c'est vrai que là, ils ont enchaîné de gros résultats. Je crois quand même qu'ils sont pas très loin de la zone rouge, hein, finalement. En fait. C'est quand même serré en Ligue 2. En fait. On a Valenciennes qui est vraiment loin à 17 points, on a Quevilly-Rouen à 28, après on a Annecy 30, et ensuite 33 pour Concarneau, Bastia, 35 pour Troyes, 37 pour Dunkerque et Bordeaux. Donc, ouais. C'est quand même très serré. Et Bordeaux aussi qui est concerné par tout ça. Donc, ouais. Voilà pour la Ligue 2 et enfin la Ligue 1 pour terminer cette journée qui nous attendait, cette 26e journée, avec. Avec Lyon qui démarrait cette journée à l'extérieur à Toulouse, et on avait notamment le retour de Lacazette, et c'est lui qui a ouvert le score à Lacazette donc après une demi-heure de jeu. Toulouse qui depuis quelques week-ends a réalisé des bons résultats quand même, on l'avait dit, hein, il y a eu des victoires probantes face à Nice, face à Lille, face à Monaco. Il y a eu cette petite défaite au Havre la semaine d'avant, et bon voilà, ils ont quand même réalisé une belle prestation, mais Lyon qui a repris l'avantage en seconde période, et pour Lyon ça se maintient, même si tout est concentré peut-être pour la Coupe de France maintenant quand même, hein, qui sera l'objectif de la saison. Ouais, ce sera l'objectif de la saison, je pense. Ouais, après ça va toujours être compliqué, surtout si à la finale, si c'est Lyon PSG, ça va quand même être compliqué, mais ils ont raison de jouer évidemment cette compétition jusqu'au bout pour pourquoi pas aller décrocher une place en Europa League, donc ça c'est sûr. Après voilà, ce match-là, c'est un petit peu, face à Toulouse, c'est un petit peu ce qu'on voit de Lyon depuis que ça va mieux, depuis ce début d'année 2024. C'est des matchs où durant le match ils dominent pas forcément, mais ils ont des occasions, et puis ils perdent, ils sont menés au score. Donc il y avait 2-1 pour Toulouse depuis la 58e minute, et ça fait quoi, ça fait au moins 2-3 fois qu'on voit un peu ce scénario-là, Lyon qui ouais. remonte un petit peu à chaque fois en fin de match ou tout ça. Et qui au final arrache un peu la victoire en fin de match, mais c'est mérité. Hein. Cherki qui a fait un gros match, quand il est rentré en jeu, un but, une passe D. Donc voilà, Lacazette qui a marqué son but pour son retour. C'est une belle victoire importante pour Lyon, et qui maintenant n'est plus très loin non plus de Marseille, de Rennes, de Reims. Donc Et tu vois, ils sont installés à leur 10e place. Ils ont 5 points d'avance sur Toulouse 11e, du coup. Ouais. Et ils ont 4 points de retard sur Reims 9e. Ils sont installés dans le ventre mou. Il n'y a pas grand chose à jouer maintenant, ouais, en championnat. Il n'y a plus grand chose à jouer. Après, bah, ça, encore une fois, ça dépend si devant ça perd un peu des points. Sachant que, comme on l'a dit la semaine dernière, tout le monde va un peu se jouer dans ce haut de tableau. Marseille qui va jouer encore Paris, il reste quoi encore? Lille, Nice, Rennes, crois, ouais. Non, Rennes c'était là, et Rennes, c'était là, ouais. J'ai oublié un dernier, il y en a un autre, mais oui, il y a un gros calendrier à venir. Voilà, et puis même pour les autres, tout le monde va un peu jouer, donc ça, il risque d'avoir des points de perdu aussi, donc à Lyon aussi d'en profiter. Après, je sais pas si Lyon, je crois qu'on avait regardé la semaine dernière, et ils avaient peut-être un ou deux matchs importants là à venir, mais après ça va être... Lyon, il va y avoir Brest, Paris, Monaco et Lille quand même. Qui vont s'enchaîner. Ah ouais, ah ouais, non, je dois confondre avec je sais plus quelle équipe. Mais... Non, là, c'est justement là où ils ont un petit enchaînement, on va dire Reims, Nantes où c'est prenable. Où là, il faut engranger des points pour Lyon. Et après, bah voilà, essayer de faire une bonne figure quand même face à des Brest, à des PSG, à des Monaco, à des Lille. Ça va être compliqué, mais là, les deux prochains matchs en Ligue 1, on va pouvoir les gagner pour Lyon. C'est ça, ce sera primordial pour espérer. Sachant qu'il y aura Valenciennes entre les deux, oui. En Coupe de France, ouais. C'est ça. Voilà pour Lyon. Samedi, on avait Nantes, Strasbourg. Voilà, duel de mal classé. Et c'est Strasbourg qui fait la belle opération avec cette victoire 3-1. La première de l'année. En 24. Ouais, c'est ça. Et pour Nantes. C'est une 6e défaite de suite, hein, et ça y est, Nantes est barragiste maintenant. Et on a un changement d'entraîneur, retour de Antoine Comboiré sur le banc de Nantais, qui a été acté aujourd'hui. Donc voilà, pour Nantes, c'est une période très compliquée. Strasbourg, en revanche, belle opération, même si rien n'est joué, mais en tout cas, ils se mettent dans une bonne position pour la suite de cette fin de saison. Autre chose à rajouter ou non? Non, pas spécialement, non. Très bien. Bon, bah, on va enchaîner avec Lens Nice, alors, qui était attendu samedi soir, et Nice, qui fait un bon coup, hein, à Lens. Pareil, Nice était sur une période compliquée, il y a eu 6 matchs sans victoire. Mmh. Et ben, ils se sont bien relancés, hein. Si on le sait, c'est toujours compliqué à gagner à Lens, en plus. Mais voilà, ça permet à Nice de remonter à la 5e place avec ce succès. Et pourtant, Nice a subi quand même. Hein. Il y a eu 20 tirs pour Lens, 7 seulement pour Nice. Ouais. Mais, ils ont été plus réalistes. C'est ça, dans les derniers gestes. Ouais. Et ils repassent devant leur adversaire du jour en plus. Hein. C'est vraiment une super opération que Nice a réalisé là. Et voilà, ils vont pouvoir aller chercher cette fin de saison. Là aussi, ils ont un calendrier avec pas mal de belles affiches. Hein. Bah, on l'avait dit, tout le monde va plus ou moins se rencontrer. Il y aura Marseille, Paris et Lille pour Nice. Hein. Alors pas d'affilée, hein. C'est un peu c'est un peu parsemé. Il y aura Marseille le 14 avril, il y aura Paris le 3 mai et il y aura Lille pour la dernière journée le 18 mai. Donc voilà, ils ont aussi cet avantage-là peut-être Nice, c'est de pas enchaîner tous les gros matchs. Ça peut avoir son importance. Donc pour Nice, qui gagne 3-1 à Lille dimanche. À Lens, pardon. Lille, c'est justement ce match-là qui se déplaçait à Brest. Là aussi, on attendait ce match. Il n'y a pas eu de vainqueur, finalement. Même si Lille avait ouvert le score, Brest a réussi à revenir et prendre un point quand même. C'est vrai que depuis deux matchs, Brest est un tout petit peu moins bien, mais il sauve un point quand même. Et c'est un point qui va peut-être compter en fin de saison. Pour Lille, pareil, ils ont manqué l'occasion de revenir sur le podium, mais ouais, peut-être assez logique quand même ce match-là, ce nul-là quand même. Ouais, c'est assez logique avec mine de rien finalement deux équipes assez proches cette saison. Assez proches dans le jeu. Ça a été un match pareil, un peu du 50-50. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Un partout, c'est bien payé pour les deux équipes. Brest, voilà, qui n'a pas non plus su profiter vraiment du match de Coupe d'Europe de Lille, mine de rien, même si Lille n'a pas joué le coup à fond évidemment jeudi dernier, mais. Pour le match retour contre Stuttgart, mais voilà, c'est un score assez logique, hein, de toute manière, un match assez sympa, voilà, sans être flamboyant, mais entre deux équipes du haut de tableau, mais voilà, non, score de parité logique, hein, partout, c'est pas forcément une bonne opération, on va dire, pour l'un comme pour l'autre, mais mais au moins tout le monde repart, on va dire, enfin personne repart tardant, on va dire. C'est ça. Donc Brest-Lille, un partout. Monaco qui pouvait profiter du coup de ce match nul de Brest qui jouait juste après à 15h. Bah, ils ont presque réussi à profiter de ce nul jusqu'à la 4. Ils aiment pas profiter Monaco. Hein. Non, ça fait deux fois la semaine dernière avec la défaite, ouais. Et là le match nul de Brest, bah ils ont presque profité, mais il s'en est fallu de quelques secondes puisque dans les vraiment les derniers instants, Lorient qui va venir égaliser par la matière de Bakayoko, en plus l'ancien monégasque. Hein. Voilà, c'est un symbole. Et du coup, c'est très frustrant pour Monaco hein, ce match nul. Et qui aurait pu passer deuxième et surtout qui aurait pu prendre une belle avance sur Lille et Nice hein, parce que mine de rien avec 48 points il y avait 5 points d'avance, c'était assez confortable quand même hein, avec on le sait il y a un enchaînement aussi de matchs pour Monaco qui va être intense hein, hormis ce Metz qui arrive, il y aura Rennes, Lille, Brest et Lyon hein. Ah oui. Donc on l'avait dit hein, tout le monde plus ou moins va se rencontrer en haut. Ouais. Et c'est vrai que il aurait été intéressant de prendre quand même 5 points d'avance sur ces équipes là hein. On sait il y a quand même 4 qualifiés cette année hein, enfin on va dire quand même 3 qualifiés directs et un qui sera sur préliminaire, mais c'est vrai que de prendre 5 points d'avance à cette période là ça aurait été confortable, c'est sûr. Ouais. C'est ça, ça aurait pas été de refus, mais voilà encore une fois ne pas profiter de ce match-là de Brest. Et du coup, surtout qu'il y avait eu, on l'a dit, Nice qui a battu Lens, donc Lens n'a pas bougé. Lille n'a pris qu'un point. C'était vraiment le week-end idéal pour gagner. Et malheureusement, ça s'est pas fait pour Monaco, qui reste troisième. Deux matchs remportés à domicile 2-1. D'abord Reims qui a battu Metz 2-1. 2-1, donc victoire de Reims qui pareil un peu à l'image de Lyon va pas normalement jouer grand chose dans cette fin de saison, même si l'Europe est à portée quand même hein, finalement la Conference League ça peut toujours être un objectif quand même hein. ils sont pas loin ils sont à 4 points. Ouais ils sont à 4 points. Bon, il y a Rennes, Marseille juste devant. Bon, après oui voilà, il y a quand même des équipes intercalées, ouais, on va dire un peu plus j'ai pas le terme, mais voilà, un peu plus talentueuse, on va dire ça comme ça, même si bon, ça veut toujours rien dire dans cette Ligue 1, toute cette saison, mais je pense, de toute façon, ça va bien bouger, hein, comme on le dit, comme tout le monde va un peu se rencontrer là-haut, et je pense que ça va un peu bouger pas mal, hein, de la deuxième à la 7-8e place, je pense que ça va pas mal bouger, là, dans les prochaines semaines, avril-mai. Jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin de saison, quoi. En vrai. Ça se tient. Jusqu'à la fin, non, tu veux dire, ça va bouger. Je crois, à partir de la 34e journée, ça bouge plus, je crois, par contre. C'est ça. Hein. Bah si, t'es sûr. Il me semble que après ça bouge plus, c'est figé après. Oui, mais ça bouge en août après. En août, ça bougera en août, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Non, mais oui, voilà. Non, mais je veux dire, oui, bien sûr. Ça va bien bouger, mais Reims qui, ouais, non, pourquoi pas, pour avoir son rôle à jouer en tout cas, et pourquoi pas, ouais, aller chercher cette Conference League, pourquoi pas, mais il va falloir assurer. Je sais pas, c'est quoi un petit peu leur calendrier à Reims à venir. Je vais peut-être regarder ça vite. Alors, Reims, là, il va y avoir Lyon à jouer. Il va y avoir Nice aussi. Ah ouais. Il va y avoir, en fin de saison, il va y avoir Marseille. Et Brest. Et Rennes, pardon, oui. Ouais. Donc, effectivement, ça fait un gros calendrier. Il y a quand même 5 gros matchs hein, sur les 8 derniers. Ouais, ça va dépendre de plein de choses. Hein. Le parcours de Marseille aussi en Coupe d'Europe, l'enchaînement des matchs, pareil pour tout le monde. Bon, oui, ça va être costaud quand même pour Reims. Hein. Ça va être très dur, je pense, d'aller accrocher une place en Coupe d'Europe. Mais bon, pourquoi pas. Et puis pour Metz, une nouvelle défaite. C'est dommage. Metz avait gagné deux fois de suite. Et là, ils reperdent et restent toujours relégables. On avait aussi Clermont-Le Havre, hein, vraiment un match aussi de bas de tableau. Hein. Clermont qui reste dernier malgré sa victoire, hein, 2-1, mais qui peut peut-être encore aller chercher une place de barragiste, voire même mieux. Hein, il n'y a pas tant d'écart que ça. Hein, il n'y a personne qui est vraiment décroché. Et Le Havre, avec cette défaite 2-1, n'est pas à l'abri hein, du tout. Donc rien n'est joué aussi en bas de tableau. Il va y avoir de gros enjeux. Hein. Jusqu'à Toulouse en fait hein, si on regarde bien, 29 points totalement, il n'y a que Lyon finalement, c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure hein, qui Reims on vient de le dire, qui peut encore ils sont installés dans le ventre mou, ils sont installés, ils sont 10e, ils sont là, ils sont vraiment là, et c'est vraiment le club qui par rapport à la place de Baragis, il y a 9 points d'avance, ce qui est énorme. C'est la démarcation, on va dire, c'est vraiment le même classement. Là, c'est là, ça se vérifie vraiment. Hein, et ils peuvent presque plus rien jouer parce que 10 points de retard sur l'Europe et 9 points d'avance sur le maintien, donc sur le barrage. Donc, voilà, tout est dit. Il y a plus rien à jouer a priori pour cette équipe lyonnaise. Puis ensuite, on avait donc Rennes-Marseille. Hein, on avait longuement évoqué ce match la semaine dernière. On a dit après cette Coupe d'Europe qui a peut-être laissé beaucoup d'énergie. Marseille qui a pas réussi à marquer non plus. C'est assez rare en plus cette saison pour Marseille de pas marquer. Et Rennes qui fait une belle opération du coup en s'imposant et en rejoignant Marseille au classement. Mais on a l'impression qu'il pouvait pas y avoir beaucoup mieux pour Marseille sur cette rencontre hein, quand même. Non, mine de rien, on va dire que c'est l'excuse facile, mais non, mais je pense que c'est une réalité. Tout simplement, c'est la fatigue, hein, l'enchaînement des matchs, la Coupe d'Europe contre Villarreal, la double confrontation, forcément, voilà, ça les trace aussi. Et puis donc voilà, quand t'as des joueurs un petit peu aussi en dessous, enfin nos créateurs comme Harit, comme Aubameyang, enfin nos finisseurs aussi, voilà, quand t'es un petit peu en dessous, même si Aubameyang a fait un poteau, je crois, sur coup franc. Oui. Voilà, quand t'as tes meilleurs joueurs, on va dire, joueurs les plus techniques. Oui, non, pardon, vas-y, je laisse finir. Ouais, parce que je sais pas si c'est parlé ou j'avais mon écho de voix, je crois, dans l'oreille. Ça m'a perturbé. Qu'est-ce que je disais, ouais, donc voilà, quand t'as tes meilleurs joueurs techniques, voilà, qui sont pas à 100%, forcément, ça fait que l'équipe avance un petit peu au ralenti, et puis ça fait que tu bégayes un peu au final, que ce soit autant dans le dernier geste que dans l'entrejeu et dans tout ça, et même défensivement, et puis, voilà, Rennes qui a été au-dessus, Rennes qui a une belle équipe, de toute manière, qui joue bien. Et voilà, Bourigeau, qui marque encore une fois sur penalty, mais qui marque aussi encore une fois Terrier, pareil. Donc, victoire méritée pour Rennes, c'est dommage pour Marseille, mais, voilà, il y a eu cette belle série, depuis l'arrivée de Gasset, depuis le départ de Gattuso. On a pas mal dépensé d'énergie encore une fois forcément en championnat et puis donc en Coupe d'Europe, donc forcément il fallait que ça arrive un petit peu, surtout dans ce début de série contre nos adversaires directs. Maintenant il y a le PSG dans 2 semaines du coup, enfin après la trêve. Ça va être compliqué aussi. J'essaie de pas perdre. J'ai un trou, c'est à Marseille ou c'est à Paris le... C'est à Marseille. Ah, c'est à Marseille. Profiter alors, pourquoi pas, de l'ambiance et de la poussée des supporters du Vélodrome pour essayer d'aller au moins chercher le point du nul là-bas ou même la victoire en vrai, parce que. Pourquoi pas, oui. Parce que pour ceux qui vont pas forcément beaucoup jouer hein, ou pour ceux qui sont pas sélectionnés à Marseille en sélection nationale, voilà, ça va permettre de prendre un petit peu de repos aussi. Si Klaus, par exemple, imaginons qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu. Bon, je sais pas, peut-être contre le Chili ou non, peut-être contre l'Allemagne justement, j'en sais rien, mais quoique, parce qu'il va peut-être devenir titulaire ce con. À force. Enfin, moi ça me plaît très bien, j'adore ce joueur, qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, ça pourrait permettre un petit peu de repos à Marseille, et puis pourquoi pas du coup pour le Classico, justement, profiter des stars du PSG qui vont tous un peu jouer durant cette trêve. Et pourquoi pas essayer de les tuer, et puis cette équipe du PSG qui est encore une fois pleine d'incertitudes, donc voilà, non, on aura notre mot à dire, mine de rien, dans tous les cas, dans 2 semaines, pour le Classico. Donc voilà, mais c'est sûr que ce match contre Rennes, c'est assez logique, et c'est pour ça que je suis pas forcément très attristé, ni en colère, c'est-à-dire par rapport au résultat final, quoi. C'est dommage quand même au classement, quoi. C'est seulement la 6e fois dans la saison que Marseille ne marque pas dans un match. C'est assez rare aussi, hein. Ça arrive, mais voilà. Mais c'est rare quand même. Là, c'est le début aussi de la série. On le disait, il y aura Paris, il va y avoir Lille. Ensuite, il va y avoir le premier match face au Benfica. Il va y avoir Nice et encore le match face au Benfica. Donc, quand même, il y a 4. Enfin, avec la Coupe d'Europe, ça fait beaucoup de matchs. Et il y aura un petit match face à Toulouse et ensuite il y aura réception de Lens encore. Donc il y a un gros calendrier qui attend là Marseille jusqu'à fin avril. Pas une grosse profondeur de banc non plus, alors c'est ça aussi qui est un petit peu compliqué, qui pourrait peut-être nous porter un petit peu préjudice dans la course à la Ligue des Champions en championnat. Parce que honnêtement, ça m'embête quand même d'emmener Brest et même Lille. Quoi que Lille, ça dépend, mais ou Fred David reste encore une saison, mais j'y crois moyen. Mais ça m'embête d'emmener Brest avec des champions quand même. Ouais. Avec tout le respect qu'on a pour eux. C'est des points je préfère voir un RC Lens quand même avec ce qu'ils nous ont montré encore cette saison. je préfère emmener Arcelon qu'un Brest, mais bon, on verra bien. Et puis un Marseille, évidemment, mais bon, on verra bien cette fin de saison comment ça va se goupiller pour tout le monde. Et enfin, Montpellier-Paris, pour clôturer. Et ben 6-2, voilà. Montpellier qui a cru à la mi-temps. Ah, d'ailleurs, on a même pas parlé de Paris-Nice en Coupe de France, si. Ah non, ben c'est vrai, ben on pourra en parler après, oui. T'as raison. Ouais. Le match qui était en retard. Montpellier qui pensait faire une belle opération à la mi-temps, en revenant à 2-2 grâce à Samani sur penalty. Et puis bah ça c'était avant le drame et avant que Paris se mette vraiment à jouer avec un Mbappé en grosse forme et puis des beaux buts hein, d'Mbappé, de Lee. Voilà, ça a été un bon match pour Paris qui a vraiment haussé son jeu en deuxième période et du coup bah voilà, ça fait une belle victoire. Ça fait longtemps avant, c'est vrai qu'on voyait régulièrement il y a quelques saisons des gros scores de Paris, hein, des 6, des 8 buts. Ouais, mais c'était à l'époque des Zlatan, des Cavani, des Pastore, quoi. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai que depuis quelques saisons, on voit plus ça. Hein. Les 8-0 contre Dijon, je me rappelle, un 9-0 contre Guingamp ou contre 3, ouais. Les deux d'ailleurs. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, ça fait 10 ans quasiment. Ouais, donc, puis là, ils prennent des buts, ils prennent des buts à chaque fois, très souvent, et ils marquent. Bah, elle marque plus comme avant autant de ouais, matchs. Ça fait plein de fois cette saison qui, bah, comme la semaine dernière contre Reims déjà, où ils se font remonter au score. Alors je sais plus s'il y avait contre Reims, s'il y avait 2-0 qui a eu 2-2 ou s'il y a eu 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, je sais plus quand c'était contre Reims, je m'en rappelle plus. Mais bon, à chaque fois, ça fait déjà plusieurs fois ouais, qu'ils sont comme ça, ils se font remonter au score. Ils gèrent le match et puis après ils se font remonter au score. Même contre Nice, du coup en Coupe de France, on va faire le parallèle comme ça parce qu'on va pas. Je pense pas qu'on va parler 30 ans de Paris. Il venait 2-1 contre Reims. Oui, il venait 2-1. Mais voilà, Nice, enfin, Paris en Coupe de France, il menait grandement de match. Pendant 30 minutes, Nice n'existait pas du tout. Et d'un coup, le dernier quart d'heure de la première période, Nice a totalement repris le contrôle du match. Et Paris, d'un coup, alors je sais pas, c'est très bizarre, c'est très spécial en fait, cette équipe du PSG. C'est pour ça qu'elle est remplie d'incertitudes. C'est que autant elle peut jouer vraiment très bien, je sais pas, on a l'impression que tous les voyants sont au vert et que d'un coup, il y a tout qui s'éteint, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui se passe. Et puis ils subissent, et puis du coup ils prennent un peu des pions parce que mine de rien, défensivement, quand t'as Danilo Beraldo ou je sais pas quoi, c'est pas la défense rêvée. Puis c'est pas forcément les postes de base aussi, surtout Danilo. De base, Danilo c'est quand même un 6, hein. Ouais. On le rappelle quand même. C'est vrai. À la base des bases, c'est un milieu défensif, hein, Danilo, mais ça fait des années qu'on le voit replacé en défense centrale au PSG, mais il y a eu quelques bons matchs de fait, mais Danilo en défense centrale, même sur ce match-là, globalement, c'est pas bon, quoi. C'est comme ça. T'es sur quel match, là? T'es sur... Je suis retourné sur Montpellier, là. Ah oui, d'accord, oui, je suis... Parce que je fais quand même un parallèle, parce que, mine de rien, c'est deux matchs réussis, on va dire, du PSG. Oui. Et puis c'est un petit peu les deux, chaque fois, où ils ont leur 20 minutes, où ils sont absents, un peu. Tu vois, donc je fais un parallèle, tout c'est un petit peu le même type de match quand même, mais bon. Mais voilà, d'ailleurs, ils en sont où, Kimpembe, tout ça? Kimpembe, il en est où là? C'est vrai qu'on le voit plus, hein. C'est fou, Kimpembe, ça. C'est impressionnant. C'est vrai. Marquinhos, il devrait revenir dans pas trop longtemps, je crois, je sais plus trop. Marquinhos, il devrait revenir dans peu de temps, ouais. Ouais, j'ai oublié, Skriniar aussi, pareil. Ça fait des mois qu'on le voit plus non plus. C'est assez spécial aussi, Paris, pour tout ça. Mais bon, bref, en tout cas, bon, ils ont fait un gros match, hein, à Montpellier. Mbappé qui a fait un gros match encore une fois, un triplé. Je suis content pour Mendes aussi. Mendes qui marque, il en avait besoin aussi depuis son retour. Parce que je crois qu'il n'avait pas marqué depuis son tour. Non, il n'avait pas marqué. Ouais. Parce que moi, justement, depuis son retour, même sur ce match-là, en réalité, je le trouve assez moyen, Mendes. Je le trouve encore un petit peu friable, un petit peu juste. Mais du coup, peut-être que ce but, j'espère en tout cas pour lui, va lui faire du bien, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce joueur depuis qu'il est arrivé au PSG, et notamment en Ligue des Champions, ça a tout le monde. Oula. Bonsoir. Ça a souvent été... Bonsoir, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? ça a souvent été un élément déclencheur en Ligue des Champions ces dernières saisons, depuis qu'il est au PSG, donc j'espère que c'est on va dire ce petit but déclic, et qui pourrait peut-être le faire, avoir un petit coup de boost au meilleur moment de la saison du PSG, justement, juste avant les quarts de finale contre le Barça, pour Mendes. Et puis d'ailleurs, gros match de Vitinha aussi, hein, j'ai oublié de le dire. Vitinha excellent, hein, hier. Ouais. Et donc Paris aussi, donc qualifié en demi-finale de la Coupe de France, tu l'as dit après sa victoire 3-1. face à Nice et du coup on retrouvera du coup en demi-finale de Coupe de France Paris-Rennes et Lyon-Valenciennes. Voilà, donc Lyon-Valenciennes ce sera le premier match le 2 avril et le lendemain on aura Paris-Rennes donc à 21h10 ce sera sur France 3 probablement cette rencontre. Voilà pour les demi-finales de la Coupe de France. Et puis en ce qui concerne le championnat, le classement avec Paris 59 points, Brest 47, Monaco 46, Lille 43 comme Nice, Lens 42, Marseille et Rennes 39. Et en bas, eh ben on a à partir de Toulouse, Strasbourg 29, Le Havre 27, Montpellier 26, Lorient 26, Nantes 25, Metz 23 et Clermont 20. Voilà, Clermont ça va être normalement très compliqué et après tout est serré, hein, tout est serré pour les autres places. On va suivre une belle fin de saison à tous les niveaux hein, en Europe pour le maintien. Il va se passer beaucoup de choses. Deux trois petits matchs sympas hein, en Ligue 1 après la trêve. Déjà le vendredi 29 mars, Lille lance déjà donc pour bien commencer cette 27e journée. Alors samedi 30 mars, il y aura Metz-Monaco, il y aura aussi un petit Lyon-Reims qui peut être sympa. En tout cas, Reims, comme on le disait tout à l'heure, pourquoi pas pour aller chercher une Conférence League. Puis Lyon, toujours dans sa quête quand même d'aller le plus loin possible, on va dire maintenant. Et puis voilà, dimanche, il n'y a pas vraiment de gros matchs. Par exemple, Marseille-Paris le soir à 21h, le Classico, mais sinon la journée, il n'y a pas vraiment de grosses affiches. Qu'on suivra ensemble d'ailleurs. Et qu'on sera ensemble d'ailleurs, oui, pour le show. On aura des choses à dire. Et peut-être que on verra si je pourrais être en studio le lundi soir pour faire l'émission. Ça serait parfait. On verra d'ici là, j'y ai pensé tout à l'heure. C'est une option qui est peut-être envisagée. On parlera d'ici là. On verra ça avec plaisir. Et puis donc pour finir l'auto-foot, on n'a pas été brillant, hein. Encore une fois. Trois points, non? J'en ai compté que deux, mais peut-être que tu en as bien. Moi, j'en ai bien trois, mais toi, j'en ai compté que deux. Alors, est-ce que. J'en ai que deux. Autant pour moi. Bon, trois. Ça n'a pas été une grosse journée encore. Non. mais c'est compliqué. Hein. Tu vois des Monaco gagner contre Lorient, ça fait 2-2. Des Clermont-Le Havre, des Reims-Metz qui sont un petit peu impronosticables. C'est compliqué hein, cette Ligue 1, on le dit à chaque fois. Ouais, compliqué. Pas de pronostic ce week-end, hein, parce qu'il n'y a pas de Ligue 1, mais il y aura ce France-Allemagne samedi, voilà, qui sera le premier de deux matchs. Voilà, il y aura d'autres matchs internationaux, hein, on fera un point lundi. Du coup, on aura un petit peu moins de boulot lundi prochain, puisque on va faire 20 minutes d'émission. Ouais, c'est ça. Puisqu'on n'aura pas beaucoup de foot, hormis tous ces matchs internationaux, mais voilà, pas tous les championnats à débriefer. Et puis, donc, le reste des sports, ça aurait être du tennis cette semaine. C'est Miami qui démarre. En rugby, il y aura les huitièmes de finale des Coupes d'Europe, ce sera ce week-end. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du basket puisque la Pro B se poursuit pour Orléans qui va essayer de continuer sa série. Pour ça, il faudra essayer de gagner dans cette journée. Ce sera la 26e journée. La 25e, pardon, avec un déplacement à La Rochelle chez le leader. Voilà, donc ce sera ce qui attend Orléans ce week-end. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Il y aura aussi le retour du handball et la première division avec pour Saran, ce sera un déplacement du côté de Dunkerque, voilà, pour cette 21e journée dans ce championnat. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis donc le trêve international qui démarre avec France-Allemagne samedi soir. Voilà ce qui nous attend. Donc petit programme la semaine prochaine. On va se quitter avec la fin du match. Ça y est, c'est fini, presque fini. Villefranche Red Star. Il reste 8 minutes de temps additionnel. On arrive à 90+5. Il y a eu une sortie un petit peu hasardeuse du gardien du Red Star en dehors de sa surface qui a percuté un joueur de Villefranche. Bon, il se relève. Bon, c'était pas non plus Schumacher Batiston, hein, je te rassure. Oui. Mais, je pensais qu'il y avait une petite faute, mais non, même pas. Donc, ça va terminé tranquillement, toujours 2-0 donc pour le Red Star sur le terrain de Villefranche-Beaujolais. Voilà, bon, Villefranche qui va peut-être essayer d'aller sauver l'honneur. Et il trouve en retrait un coéquipier, il en met un dans le centre. Non, bon, ça va. Non, ça dégage. Non, bah, ça va se terminer en 30 secondes. Red Star qui va donc s'imposer. Logiquement, le leader de National 2-0. Dans 30 secondes, ça devrait être la fin du match. Et on voit Abid Bey, bon, voilà, qui est toujours aussi impassible. Mais alors 2-0 pour Red Star et ça va se terminer comme ça, je pense. Très bien. Bon, bah, je te laisse le dernier choix du son et on va se quitter là-dessus. Ouais, je réfléchissais un petit peu pendant que tu terminais. Bon, ça va être un petit classique. Just Can't Get Enough de Depeche Mode. Allez. Ah, c'est très bon ça. On va en parler là-dessus. Pourquoi Je sais pas, en fait, souvent, quand tu me demandes un son, je vais voir dans mon Spotify ce que j'ai recherché, je sais pas, les derniers jours dans ma barre de recherche, puis j'avais ça là, donc. Bon, voilà. Eh ben, très bon choix. On écoute ça pour terminer, du coup. Bonne soirée à vous, merci de votre fidélité. On se retrouve lundi prochain. Hugo, merci. On se retrouve aussi lundi prochain, évidemment. Ça marche. Portez-vous bien, bonne semaine à vous et fin du match, hein. Red Star s'impose 2-0. Et on a un petit peu de temps, une petite intro qui dure, donc on en profite. Ça vous donne l'année prochaine, bonne soirée, ciao ciao. Então está também gira que redunda no nome da tua alcunha, né? Do Sim, rei. O Pagolini nasceu porque eu trabalhava no Castro na altura e uma noite de copos, estava no Jamaica e estava no balcão do Jamaica e eu pedi o meu copo e estava umas italianas ao meu lado. E uma delas vira-se para mim: qual o seu nome, meu? Meu nome é Pagolini, Conde de Parma. Confiançudo. E ficou aquele nome do Pagolini até hoje. Não, um tipo que usa esta molhelha, e os nossos ouvintes não sabem, eu chamo molhelha a um bigode farfalhudo. Sim. Uma pessoa que usa uma molhelha destas tem que ser uma pessoa com confiança, não é? Sem dúvida. Repara, sem só dúvida. Neste estúdio, não é? Temos o Henrique, a Karina, portanto são pessoas que têm confiança extrema. Bigodes a sério, sim senhor. É? Eu um dia quero ter um bigode assim. Mas dá-me trabalho, não, e é precioso. Pois, tentei fazer o buço, mas pelos vistos não consegui. A parte boa de um bigode como o Henrique é que uma pessoa vai jantar e consegue continuar a comer durante mais 3 horas. Não é? Eu gasto 10 euros em amaciadas deste bigode. Imaginem. E com esta arte do amaciar o bigode, vamos passar o episódio desta semana, que apresentámos o nosso Henrique, o nosso querido Henrique. Visitem-no, rua Henrique, dá-nos a rua. Gama Barros, não é? Doutor Gama Barros, em Alvalade. Doutor Gama Barros, em Alvalade, a loja do Rei do Moscatel, onde podem ter uns sunsets com música ao vivo, uns bons moscatéis, umas provas de moscatéis. O Henrique faz umas rabanadas e umas peras bêbadas em Moscatel. Também elas de muito bom nível, muito bom nível. E melhor do que isto, podem sempre pedir a recomendação para virem cá fora para a Esplanada e sentarem-se numa mesinha a provar o vosso primeiro charuto na vida. E o Henrique que trata disso. Muito bem. Sem mais a acrescentar, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Ficamos com vontade. O Chefe é que Sabe está também em rdpinternacional.rtp.pt para ouvir quando quiser, onde estiver. Daqui a pouco, a atualização das notícias em simultâneo com a Antena 1. Esta é a música da RDP Internacional. Mas os maridos das outras não. Que os maridos das outras são. Que há no mundo quem me faça sorrir.